Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas. HongKongStyle. Bienvenue donc dans ce 10e Flashpoint consacré au mois de mai. Alors toujours l'équipe habituelle, donc avec Vinch Salut! et Spectra. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Bah ça va, nickel. Ça fait trop de la balle. Ouais, alors là, tu vas toujours Spectra à la Lyon Comic Con? J'irai le dimanche. D'accord. Ouais, Le moi je dimanche pense. 10, je vais essayer de poser un jour pour le samedi, Ouais, mais c'est pas fait. dimanche, normalement, je devrais y être. Et toi, Vinny, c'est mort aussi? Ouais, je vais pas me taper Lyon, c'est un peu loin, quoi. C'est tout pour. Je sais même pas ce que c'est en fait, la Lyon Comic Con. Comic Gun. Enfin, je sais que c'est un truc de comics, mais je connais pas, ça m'intéresse. Bof. C'est genre, je sais pas moi, deux jours de route de chez moi, je crois. Ouais, bah c'est l'équivalent de la PCE, mais à Lyon en fait, parce qu'apparemment il y aura du beau monde. Ouais, bah je sais pas, moi je vais à la PCE, c'est plus proche. Ouais, mais là il n'y Mais aura pas c'est. de PCE, c'est terminé apparemment l'année prochaine. Ça c'est annulé et Lille aussi, je crois que c'est annulé. Ouais, mais il y aura la super comique con à la con là. Mais là, je suis pas sûr d'aller vu les beaux invités. Le truc le prestigieux qu'ils ont, c'est Bendis, donc voilà. Ouais, mais c'est pas fini encore. Ouais, j'espère. C'est pas encore fini, ils ont pas annoncé. Il y a ça, je crois qu'ils ont Amanda Connor aussi. Et aussi ils ont Jamie Palmiotti. C'est possible. Je Et pense voilà. qu'il y aura du monde d'ici là. Bah, Moi, ils je ont voulais aller intérêt. à Lyon, mais ouais, je crois que ça va être tendu, hein, parce que même si je trouve du covoiturage, niveau financier, ça va être très compliqué. Le prix de la place, je crois que c'est pas cher. Je crois que c'est 8 euros la journée ou 8 euros le pass. Mais entre la montée, la descente et pour manger et compagnie, ça risque de faire assez cher en fait. Tu nous raconteras, Spectra. Ouais, en plus il y a quand même des bons dessinateurs et tout. Là-bas, il y aura Declan Shalvey, il y aura Isad Rebic là, qui dessine Secret Wars. Donc, ouais, je pense que je vais aller y faire un tour. Ok, bah ouais, tu nous raconteras. Bon, bah on va attaquer donc avec les news ciné comme d'habitude. Avec donc du casting. Et bah allez, c'est parti. Une rumeur de casting. Donc, ce serait Chris Pine qui jouait dans Star Trek. Qui serait pressenti pour jouer le rôle de Steve Trevor dans le film Wonder Woman. Ouais, c'est un bon acteur, moi je le connais pas. Et ben, ouais, moi c'est un acteur que j'apprécie. Par contre, je trouve qu'il a vraiment la gueule de Hal Jordan, mais bon. Il a joué dans Star Trek 1 et 2, le reboot, et dans Horrible Boss 2 aussi, dans ses trucs les plus connus, si tu ne connais pas. D'accord, j'ai rien vu de tout ça. Bon, enfin, on verra bien. On a aussi eu surtout en fait la grosse photo avec tout le casting de Suicide Squad. Donc qui a fait pas mal de bruit. Vous en avez pensé quoi? Vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a déplu sur la photo? Ouais, rien du tout, c'était bien. J'ai pas été surpris, j'ai pas été déçu. Je trouve que c'est bien, ouais, beau casting. Ouais, les Les costumes, costumes. je suis pas trop, non, je suis pas trop déçu. Je trouve un peu le costume de Deadshot un peu trop carton, je trouve, de loin. Maintenant, faut voir en animation, ce sera sûrement un rendu meilleur. J'ai trouvé bien Killer Croc. J'ai vu que beaucoup de personnes étaient déçues, mais je trouve que c'est bien parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un crocodile, c'est un mec qui a une maladie qui ressemble à un crocodile, donc j'ai trouvé assez stylé. J'ai hâte de voir ça en mouvement. Moi j'ai bien aimé tout le monde, juste Harley Quinn, je trouve que c'est pas assez fin le déguisement, là, enfin la couleur des cheveux et tout, je pense qu'ils auraient pu faire un truc qui rende un peu mieux quoi. Ça fait un peu. Je trouve que ça fait un peu cheap en fait au niveau des couleurs de cheveux. Après le reste, ouais, globalement moi je trouve que tous les personnages ils sont assez classe. Hein. Même Deadshot j'ai bien aimé, hein. Il n'y en a aucun qui m'a fait sortir du truc. Toi Spectra? Ah, moi j'ai trouvé ça énorme. Harley Quinn, franchement j'ai bien aimé. Ah, t'as bien Après, aimé. ça s'annonce pas très fin hein, du tout, hein, mais ça je crois que le ton est donné depuis un moment. Mais non, franchement j'ai trouvé l'équipe vraiment classe et tout. Will Smith en Deadshot, ça va, je suis à peu près rassuré. Non, mais franchement j'ai bien la hype là, pour le Suicide Squad. Hein. Après bon ben dans la continuité de ce qui se fait d'habitude, ben on a chaque jour une photo, un potin, une rumeur et compagnie. Là les dernières photos, donc on voit donc dans Suicide Squad une course poursuite avec Batman et le Joker. Vous en avez pensé quoi, Vinch? C'était trop beau. Ouais. Sinon? Non, je. Hein, bah, je sais pas, c'est bien, mais bon. Moi, j'ai pas de hype personnellement pour les trucs. J'ai de la hype quand je vois le film, mais pas avant, parce qu'on voit tellement de trucs. Des fois, tu vois des trucs qui sont jamais même dans le film, alors. C'est bien, c'est stylé, tu vois, qu'ils s'investissent dans le film. Maintenant, j'attends de voir au cinéma en vrai, quoi. Enfin, en vrai, entre guillemets. Et toi, Spectra? Ouais, bah moi j'étais bien content de voir Batman dans Suicide Squad, là. Dans... À mon avis, ça fait un peu scène d'ouverture, mais. Non, le seul truc qui m'a déplu, par contre, c'est vraiment les tatouages sur le Joker, quoi. Ouais, mais de toute façon, les tatouages, il va pas se balader à poil pendant le film, je pense. Ouais, mais pour le coup, enfin, tu vois, je pensais que c'était vraiment juste pour la photo et tout. Là, pour le coup, je trouve vraiment pas sa fin du tout, quoi. Moi, j'ai Mais pas bon, trop. enfin, Ouais. ça a l'air cool, Joker a l'air bien cool, quoi. Moi, j'ai pas trop. J'essaie d'esquiver les photos, les vidéos et tous les trucs pour avoir le minimum, le maximum de surprises. Bon, je suis tombé sur la photo où on voit Batman sur la voiture du Joker. Et là, par contre, ouais, le costume de Ben Affleck, il est vraiment énorme. Je pense que c'est le plus beau costume qu'ils aient fait, tout film de super-héros confondu, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, bon, ben, on va continuer sur le ciné avec Flash. Oui, donc Phil Lord et Chris Miller nous ont fait une révélation choc dont personne ne se doutait, Flash et Barry Allen. Serait, c'est pas sûr, hein. Pour eux, Mais peut-être bon, c'est qu'ils. vrai, peut-être. Ouais. Bon, serait Barry Allen, on ne le savait pas encore depuis 75 ans. Non, je déconne, en fait, on parle juste du film. Donc il paraît que ce serait Barry Allen, parce qu'on n'est pas encore sûr si c'est Wally West, c'est Barry Allen ou pas qui incarnerait Flash au cinéma. Donc pour eux, ce serait Barry Allen maintenant, rien n'est trop sûr. Donc à voir pour 2017, je crois, ou 2018, je sais plus. Je crois que c'est 2018, non, Flash? Ouais, c'est possible, tu passes tellement loin que. Là, Ouais, pour c'est le moment, clair. je suis focus sur la série TV plus que sur le film à venir. Ouais, ben là, et les deux là, je crois qu'ils s'occupent du scénario, comme on avait dit le mois dernier, et ils ont pas été nommés réalisateurs, donc on sait pas encore qui c'est qui va s'occuper du film. Non, de toute façon, on On doit attendre attend. en 2015. Ouais, on Tout attend de reste voir, on encore va à dire. jouer. Il y a encore plein de trucs qui peuvent changer pour moi en fonction du succès de Suicide Squad et Batman Superman. C'est vrai. Ensuite, donc sur Shazam aussi. Ben Shazam qui devrait arriver d'ici 2019 quand même. Apparemment pas après 2019, mais c'est The Rock qui a balancé ça pendant une interview pendant la promo du film San Andreas. Et à la base, il devait sortir quand ce film? Et ben je sais même pas s'il y avait vraiment une date connue pour. Je pense pas qu'il y avait une date non Ah plus. non, On pensait que il y avait pas de c'était date. proche vu qu'ils avaient déjà annoncé le casting, Ouais. enfin Black Adam du casting, mais en fait, il n'y a que lui qu'on sait qui va jouer dedans, quoi. Ouais, celui-là, il n'avait pas été annoncé dans la liste qu'ils avaient donnée, ouais. Non. Ouais, mais écoutez, on verra bien. Hein. 2019, c'est pareil, c'est hyper loin, quoi. Voilà. On va finir sur le cinéma parce que, ben, de toute façon, même dans la globalité, ce mois-ci, il n'y a pas eu énormément de news. Avec donc le film annulé de l'époque, Justice League, de George Miller. Donc apparemment, il va avoir droit à son documentaire. Ça va Voilà. être sympa, par contre, là, l'idée, elle est plutôt bonne. George Miller, c'est En celui qui a plus, réalisé Mad Max, non, le dernier? ouais, je l'ai pas encore vu, il paraît qu'il est cool, mais Ouais. du coup, c'est bien ça. Si effectivement Mad Max est vraiment si réussi que ça, ce serait bien que Miller ait un petit projet chez DC Comics, ça pourrait être cool. En tout cas, son scénario de Justice League Mortal, il avait l'air plutôt cool. Hein. Et toi, Vinch, t'en as pensé quoi de Rien du cette tout. news? Rien du tout, parce que je sais pas c'est quoi Justice League Mortal, je sais pas c'est qui George Miller et j'aime pas Mad Max. Donc je t'avoue que Oh putain, le bourrin. franchement, Ouais. ça m'intéresse carrément pas. Non, moi J'ai je pas pense que d'avis du tout. je vais aller voir Mad Max, je pense. Il a Voilà. l'air vraiment stylé, quoi. Mad Max, j'ai jamais vu, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a choqué. Il y a des mecs qui se frappent sur une bagnole dans le désert. Tout le monde dit que Ah, c'est bien, moi j'ai jamais vu. tu peux pas faire comme ils font tous, donner un avis sur une bande-annonce. Faut le voir avant de. Ouais, mais je veux dire, j'ai jamais vu, ça m'intéresse pas, c'est pas mon style de film. Donc pour moi, quand j'ai Bah, vu la bande-annonce, je me suis dit, bon. c'est pas toi qui allais voir Fast and Furious 7? Pas Hein? de trop loin. Non, je sais pas, c'est pas ça. Ah bon. Non, du tout. Non, c'est pas toi. Ah, ok, d'accord. Il est trop hargneux depuis qu'il est rentré des États-Unis. Non. Ah non, je connais pas, c'est juste que j'ai vu la bande-annonce, Non, mais j'ai jamais vu Mad Max 1, Mad Max 2, ça date pas d'il y a 20 ans, le 2 d'ailleurs, un truc comme ça. pourquoi t'es aux États-Unis? Ouais. T'es allé aux États-Unis quand? Il y a, je sais pas moi, je suis revenu il y a 2 semaines. Putain, tu ne Je m'avais suis pas dit, t'es allé où? à Miami. Si, je te l'ai dit, c'est pour ça que je voulais pas faire tes reviews. Ah oui, mais là, tu m'as montré une photo d'une piscine, mais tu m'avais pas dit que t'étais à Miami, enfoiré. Ouais, non, c'était à Miami. Putain, ça va, la belle vie, quoi. Ouais, ça va, c'est pas mal. C'était bien, c'était bien. Elle a fait beau, tout ça. Oh, tu nous diras si t'as trouvé des comic shops en fin d'émission. Ouais. Bon ben voilà, les news ciné, rien d'extraordinaire ce Ah, mois-ci. juste un petit mot sur Justice League Mortal. En fait, ça devait c'est un film qui devait réunir donc toute la Justice League et qui devait sortir après Batman Begins, je crois. Et qui avait un casting par contre qui était différent de celui de Begins en fait. Et du coup, les films de Nolan ont eu tellement de succès qu'ils ont annulé le truc parce que c'était pas cohérent après dans ce qu'ils voulaient faire. D'accord. Mais c'est le casting était déjà fait, ils avaient déjà commencé à tourner en Australie et tout, le truc était déjà bien avancé quoi. D'accord. Et je crois que ça reprenait un peu l'histoire de la, je crois que c'est la tour de Babel, il me semble, de la Justice League où Batman se fait piquer des plans pour éradiquer chaque membre de la Justice League. Ouais. Ok. Ouais, bah tu m'as donné J'étais envie là, tu vois, de regarder ce pas du tout au courant en documentaire. fait. D'accord. Je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'ils avaient voulu faire un Justice League après Batman Begins. Ouais, moi Comme non quoi. plus, je savais pas. Bah écoute, bah du coup, ouais, ça m'a bien donné envie de mater le documentaire. Bah, jetez un petit coup d'œil hein, sur le casting et tout, il y a quand même des bonnes idées. Hein. Ouais, j'irai voir ça. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant de voir tout ça. Bon, on va passer aux news séries télé. Donc, bah Vinch, hein, on te laisse commencer. Oui, donc c'est avec une triste nouvelle que nous ouvrons cette nouvelle review. Constantine a été annulée, si vous ne le saviez pas encore. Donc voilà, la série ne continuera pas sur NBC, si je dis pas de conneries. NBC, ouais. Ouais, NBC. Donc il n'y aura donc pas de saison 2 apparemment, mais les réalisateurs seraient à la recherche d'une nouvelle chaîne. Peut-être la CW, ça se murmure. Ouais, Donc ça. à mon avis, on n'aura peut-être pas de Constantine en 2015-2016, mais peut-être reviendra-t-il plus tard. Donc voilà, T'es c'est peiné, triste. C'est Spectra? triste pour ceux qui aiment bien. Eh ben, Constantine, je me dis que ce serait vraiment une série que Netflix devrait récupérer, quoi. Ouais, Netflix, ouais, c'est clair. Pour le coup, il y aurait moyen qu'ils en fassent un truc de bien. Après, ouais, c'est un peu dommage, quoi, parce que y avait quand Maintenant, même quelques bonnes idées. pour Netflix, Marvel va peut-être s'y opposer vu qu'ils ont un gros contrat avec eux. Ça serait peut-être pas trop dans leur intérêt que Netflix fasse des séries d'ici aussi, je sais pas. T'as Moi, la vu plus ça, grosse tu rumeur que j'ai connais. entendue, c'est qu'il s'essayerait sur CW et qu'il apparaîtrait dans Arrow. C'est la plus grosse rumeur plausible pour faire un retour en 2016-2017 sur la chaîne câblée. Et maintenant, Constantine sur la CW, je pense que c'est un peu horrible vu que le personnage est censé être très mature et très sombre. Je suis pas sûr que c'est la cible de la chaîne pour avoir un vrai Constantine. Je sais pas. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, et ben écoute, on verra bien. Donc voilà. On verra bien, ouais. Mais tu l'as d'où cette news là, comme quoi Marvel il pourrait s'opposer? Ah non, c'est pas une news, c'est un constat logique. Le Marvel a donné des millions à un contrat de plusieurs millions pour coproduire plusieurs séries de plusieurs saisons sur Netflix, donc ça me paraît très logique qu'ils s'opposent à ça. En tant que ce serait juste de la logique maintenant. Peut-être qu'ils vont laisser faire, hein, mais moi perso, je donne plusieurs millions à une chaîne pour qu'ils me produisent des séries sur plusieurs saisons et plusieurs années. Je serais pas trop chaud pour que la chaîne, enfin Ben le après, groupe. dans l'absolu, je te dirais qu'ils n'ont pas forcément besoin de Netflix parce que Warner, ils ont un paquet de chaînes, quoi. Ils peuvent très bien balancer la série sur HBO, sur Sinestar, la chaîne qui diffuse Banshee. Oui, Ils pourrait, mais ont. c'est parce qu'on évoquait Netflix qu'ils pourraient reprendre Netflix. Maintenant, je me dis qu'avec Netflix, ce serait peut-être pas spécialement possible Ouais, bien sûr. pour ce constat-là. Maintenant, ouais, ils ont plein d'autres chaînes où ils peuvent le faire. Je pense pas non plus qu'ils aient besoin de Netflix. Maintenant, faut juste voir ce qu'ils veulent en faire, quoi. S'ils veulent en faire un truc à la CW ou un truc très sérieux, qu'ils le mettent sur une chaîne privée. Maintenant, Bah, déjà, ils apparemment, l'avaient mis sur NBC, c'était déjà pas. Supernatural qui serait assez proche un peu de ce que j'ai entendu dans l'esprit, c'est assez sombre et c'est sur CW, hein, donc après on peut imaginer aussi que ça aille sur CW, quoi, tout est possible. Maintenant, Supernatural, c'est pas aussi c'est pas deux mecs qui ont des trucs amoureux avec des femmes et tout le temps. En plus des trucs, tu vois, c'est surtout ça, c'est. Je sais pas, ça je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, moi j'avais entendu que le mec qui avait fait la série, il était fan et s'était inspiré de John Constantine pour faire un des deux personnages. C'est possible, ouais. Donc. J'ai jamais accroché à Supernatural, donc Jamais vu des essayé. pubs, Ouais. je trouve ça un peu spécial. Ouais. Ensuite, ben Gotham, la saison 2. Ouais, Gotham la saison 2 avec Harvey Dent du coup qui deviendra un personnage régulier de la saison à venir. Et il cherche aussi de nouveaux vilains pour la nouvelle saison. Donc un homme intelligent, séduisant et dangereux et une cougar. Fatal de 50 ans. Et il n'y a pas aussi Morena Baccarin qui tournera un rôle récurrent dans la saison 2? Oui, aussi, Elle ouais. continue. Elle Ouais. continue sur sa lancée. Bon, j'avais arrêté, donc je sais même plus si elle y était encore ou pas. Ici, elle Je a sais même pas si tu survécu. l'as vu arriver. Ouais, je l'ai vu arriver, j'ai fait deux épisodes et après j'ai laissé tomber. Elle a survécu. Elle est D'accord. toujours là. Peut-être que ça donnera envie aux gens de reprendre. Hein. Moi, je pense que je réessayerai le premier épisode de la deuxième saison, voir comment ça a évolué, et puis de là, soit je continuerai, soit je re-arrêterai, quoi. Ah bah moi le dernier épisode il m'a donné envie d'arrêter hein, par contre. Ouais. D'accord. Ok. Franchement, ouais. On en Bon, parlera après. on en avait parlé, non? Elle est finie depuis combien de temps, Gotham? Ouais, on avait parlé au dernier podcast déjà Ouais, mais du Gotham est pas dernier. fini. Non, il a été fini. Ouais, c'était déjà fini au dernier podcast. Ouais, c'est Ouais, juste. ouais, ouais. Non, non, Parce mais que moi, je les ai si, regardés très en retard. on l'a bien Très en lâché. retard. Hein. D'accord. Ok, alors sur la saison 2 de Flash, alors donc des news qui sont un peu qui vont spoiler un peu si vous n'avez pas fini la saison 1. Donc Oui, comme moi. ouais bah écoute l'ami, tant pis pour toi. Alors Eobard Thawne et Wells, ils sont en retour de du casting de la saison 2. Et tu m'as mis quoi, Vinch? Flash of Two Worlds sera de la partie? Oui, donc Flash des deux mondes, parce qu'il y a Erzu qui sera dans de la partie. Je sais pas si, donc là, mais il y a Spawn, fin de la saison 1, bah, il y a Ah, le c'était une super. blague en fait, Flash of Two Worlds. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Non, mais en fait, la news, C'était. c'est que Earth 2, il y aura Earth 2 en fait, c'est ça? Ouais, et donc ils ont D'accord. annoncé qu'il y aura plusieurs Speedsisters, machin, enfin. Speedster. Speedster, ouais, putain, je vais y arriver. Speedster. Et donc en fait, en gros, bah, on a été teasé déjà avec à la fin de la saison 1, bah, avec le cast de Jake Harrick. Et donc il y aura une rencontre entre les deux. Flash of Two Worlds, c'est le nom de l'arc. Très Ouais, c'est connu, ça. tu vois le fameux truc où tu vois les deux flashs qui courent l'un à côté de l'autre et Ouais, qui a. je sais, mais je savais pas si, vu que quand tu m'envoies les conducteurs, tu mets des blagues entre deux news, je savais pas si c'était un truc officiel ou une connerie. Ok, Non, vas-y, vas-y. ça a été dit ça. Ça a été dit que Ouais. ce serait. On aurait dû de la belle surprise avec ça. Notamment, il y a des rumeurs qui disent comme quoi celui qui joue Wells, il pourrait peut-être être lui-même, enfin, Jake Garrick, quoi. Ouais, pourquoi pas. Enfin, Ça Jake serait Garrick, c'est énorme. Jake Garrick, mais. Ça serait. Pardon? Jake Harrick, c'est Jake Harrick, quoi. Enfin, Wells, pour Mais Wells, non, c'est quand mais même quand je dis dans le. Wells, je veux dire l'acteur. Ah ouais, l'acteur, Si ouais. t'es sur Earth 2, Earth 2, tu peux avoir d'autres acteurs avec, enfin, les mêmes acteurs, mais avec des rôles différents. Ah ok, pas bah ouais, je pensais que tu voulais dire que Wells serait en fait. Non, Ah ouais, ouais, non, c'est pas non, ça. non. Ouais, ce serait marrant, ça ferait encore une fois un mentor, et avec, ce serait assez marrant de voir ça quand même. Ouais, ce serait pas mal, pourquoi pas. Et on va finir par ta série préférée, Vinch. On t'a oublié Killer Frost aussi qui a été annoncé et teasé. Ouais, ouais, on en reparlera après dans la review, ouais, ça aussi, ouais. Ouais, donc ma série préférée, For Life Arrow. Donc Oliver Queen ne devrait pas revenir en Arrow dans la saison 4. Donc ça a été annoncé, il a dit qu'il ne reviendrait pas en Arrow. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va cueillir des fleurs avec Felicity dans une saison? Ou est-ce que ça veut dire qu'il va enfin devenir Green Arrow? On ne sait pas. Ce sera à voir dans la saison 4 de Arrow en novembre ou octobre, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est vers octobre. Ouais. Bon, de toute façon, après, on reparlera du dernier épisode dans les reviews des séries télé, quoi. Bien sûr. Oh, Non, ça mais va. j'ai loupé que deux épisodes de Flash et deux épisodes d'Arrow. J'ai l'impression que j'ai loupé des saisons complètes, là. Ah, mais Arrow, on en parlera après. Le final, il est pas bien, mais dans un sens, la boucle est bouclée. On en reviendra Ouais, après, voilà. mais on te C'est vrai. spoilera la gueule un peu après. Faut encore attendre Ouais. 5 minutes. On va genre te faire pleurer. Ouais. Ensuite, Legend of Voilà. Tomorrow. Eh ben, Legend of Tomorrow, donc une première saison de 13 épisodes qui a été commandée, et puis eh ben, un putain de trailer de fou, hein, finalement. J'attendais rien de cette série, et là, le trailer était vraiment, vraiment cool. Donc finalement, je suis bien. J'ai hâte de voir ça. Toi, Vince, t'as aimé le trailer? Ouais, j'ai kiffé et j'ai une seule grosse déception, c'est que le Time to Boobs est fini. Le quoi? Le Time to Boobs. C'est quoi ça? Le temps des boobs. Tu connais pas l'expression? Non, pas du tout. Dis-moi. Ben, Si Time to pour Boobs, ça veut White dire. Canary. Voilà, ouais, Black Canary, tu vois, elle avait un décolleté avec un push-up, ben, ça s'appelle la Time to Boobs, le temps de voir les seins. Ben, maintenant, elle est à colle, donc c'est un peu dommage. J'avais même pas capté qu'elle avait un truc comme ça, tu vois. Vas-y. Donc voilà. Bon, moi, écoute, le trailer, ouais, pareil, j'ai bien kiffé. Le scénariste, là, il disait qu'il ferait ça comme une sorte de film de 13 heures, en quelque sorte. Donc, 13 épisodes, c'est parfait. Ça permet de pas perdre du temps dans des épisodes qui servent à rien. Au niveau du budget, ça permet d'optimiser pour avoir un truc assez régulier dans l'ensemble. Ouais. Voilà. Et surtout, voilà, la série va être programmée pendant la pause demi-saison des autres séries. Donc, du coup, ça permettra d'avoir un truc d'essai toute l'année, en quelque sorte. Ouais, maintenant le seul truc qui est apparemment, donc je suppose que ça finit en décembre, donc normalement on n'aura rien. Le seul truc qui, je sais pas comment ils vont le faire, s'ils font comme ABC, ben, on aura un retour de Flash et de Arrow très très tard. Maintenant le truc qui peut être bien aussi avec ça, ben, c'est que ça pourrait éviter d'avoir des pauses toutes les semaines comme on a eu cette année, l'année d'avant, c'est un peu chiant. Ouais, mais si ça coupe Flash, ça va s'arrêter en décembre et Arrow aussi. Et entre janvier et février, si t'as ça, ça fait 3 semaines. Qu'est-ce que je dis? 13 Non, épisodes, ça fait 13 semaines. ça fait 13 semaines. Ben non, on n'aura pas de vide en fait. Non, bah fouine, sauf que tu auras normalement la reprise en février, mais là tu risques de l'avoir en fin mars comme tu avais eu pour Agent of Shield côté Ouais. ABC. Et après, C'est c'est vrai juste. que ça peut être comme tu dis. Après, du coup, les semaines où il n'y a rien, bah là, ils pourraient tout mettre pour avoir un truc constamment, en fait. Ouais, comme tu Ouais, dis, ouais, chaque semaine. parce que c'est un peu chiant, c'est le truc que j'avais trouvé chiant cette année, c'est que tu as eu la reprise, tu as eu 2 épisodes, tu as eu un mois de pause de nouveau, puis tu as eu un épisode, une pause, un épisode, une pause. Ouais, c'était C'était très chiant, c'était très comme long. ça l'année dernière aussi, quand il n'y avait que Arrow, c'était relou pareil aussi. T'avais Ouais, des relou. fois, il n'y avait rien, c'était un peu chaotique, quoi. Ça Là, ce fait serait bien. chier. Bah, on aurait 13 semaines, puis après, bah, on enchaîne et on finit en fin mai, normal. À voir. Ouais, ensuite, le projet Titan dont on n'avait plus aucune nouvelle, bah, apparemment le tournage il pourrait commencer en juillet 2015 sur la chaîne TNT. Ouais. Donc bon, bah, c'est pareil, hein. On C'est attend de voir toujours rien. venir. Soit on a vu, il y a toujours des rumeurs comme quoi ce serait centré sur Roy Harper qui se droguerait et Nightwing qui aurait remballé Batman. Enfin, Robin qui serait devenu Nightwing. Maintenant, c'est toujours rien en fait. Il y a toujours rien d'officiel. C'est très flou pour cette série, je trouve. Et on n'a même pas un casting encore, non? Non, comme je dis, il y a un supposé casting. Maintenant, il y a eu deux versions. Il y a eu une version les Teen Titans originelle, puis une version un peu plus exotique. On sait pas trop, donc Bon, il y a toujours rien d'officiel. on avait eu un pitch au mois dernier, on avait parlé du pitch, mais après c'est vrai qu'on n'a pas eu de casting avec des acteurs, quoi. Ouais, maintenant le pitch c'était pas officiel. Je crois que c'est des rumeurs. C'est Ah, c'était des... Ah ouais, d'accord. Jean-Claude qui a vu chez Jean-Jacques qui travaille chez DC qui a dit que peut-être ce serait ça, tu vois. Ah Ouais, ouais, la d'accord, plupart ok. des rumeurs, mais là il y a souvent on confirme, mais là il y a eu aucune confirmation donc on sait pas. Ok, bon, on verra Très bien. mystérieux. Et enfin, Supergirl, donc. Et ouais, donc CBS il a commandé une saison entière de la série, je sais pas de quoi l'épisode, 22 sûrement. Donc Ouais, le 23, premier comme d'habitude. Ouais. trailer n'a pas trop fait l'unanimité, même pas du tout. Mais là-dessus, il y a eu une super fuite entre plusieurs guillemets du premier épisode sur le net. Et là, bah, par contre, ça a renversé la vapeur pour Supergirl. Donc les gens ont été agréablement surpris. Il y a eu de tout quand même, hein. Il y a eu de tout, hein. Il n'y a pas eu que des gens qui ont aimé quand même. Ouais, maintenant, je veux dire, sur le net, quand on a vu le trailer, bah, t'avais un mec qui aimait bien pour 22 qui disait c'est horrible. Et après, bah, pour le reste, j'ai peut-être vu 5 mecs qui disaient que c'est toujours de la merde. Pour 15 qui disaient bah, c'est bien, tu vois. D'accord. Et donc voilà, maintenant même moi, au début, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, putain, j'ai regardé le premier et le deuxième épisode pour me faire une idée, mais ça m'a carrément refroidi. J'ai vu le premier épisode, on en parlera après, bah, j'étais content. Donc maintenant, voilà. Sinon, la rumeur dont tout le monde se fout, et qui n'est même pas sûr, ça sera encore, c'est Jean-Claude qui a dit que Bernard avait un truc dans son placard. Donc Jaden Smith serait bien Static Shock, d'après Tyler James Williams. Et ça se trouverait en fait dans une pile de projets qui sont enfermés dans un placard, qui est fermé, mais qui devrait s'ouvrir. Donc c'est pas sûr, mais pour le moment c'est toujours Static Shock est prévu un jour, mais à mon avis c'est encore moins sûr que Titan. Donc on verra. Mais bon, comme la famille Smith est très implantée chez DC, pourquoi pas. Et donc Tyler machin, c'est le mec qui jouait dans... Bon, je vais pas spoiler, le mec qui joue dans Walking Dead. Ouais, voilà lui. Un des acteurs de Walking Dead. Qui serait d'ailleurs supposé rien à voir, mais Miles Morales chez DC, chez Marvel. Spider-Man de chez Marvel. Ouais. Enfin, Ouais, enfin ça. un probable autre Spider-Man chez Marvel. Ça, c'est la rumeur con chez Marvel, mais ce sera pour le nouveau podcast spécial Marvel. Non, Ouais, je bien rigole. sûr. Allez. Bien sûr. Ensuite, bon, bah, ça c'est fini. On va passer aux News Comics VF. Bah, là, principalement, c'est le planning d'Urban qui a commencé à donner ses titres pour les mois à venir. Alors, on va commencer par le Justice League tome 8. Donc voilà, qui contiendra les numéros de Justice League 30 à 39 et JLA 14. 30 à 39, c'est quel arc déjà? C'est on C'est arrive. C'est deux Infamous arcs. Injustice League. Ah Enfin, ouais, c'est ça. Et c'est avec Luthor. ça arrive Et sur Amazovirus aussi. Amazovirus aussi, ouais. Ouais, d'accord, Ah, sur. c'est génial, achetez-le. Ah ouais, putain, Amazovirus. Et JLA 14, pourquoi ils l'ont mis dedans en fait? Pour clore, c'est tout simplement parce que Justice League Tom 8 fait aussi suite à Forever Evil. Et JLA 14, si je dis pas de conneries, c'est le dernier arc de Justice League America. Et ça clôt aussi Forever Evil en fait, c'est pour ça. Parce que c'était de la merde, C'est. hein, le Justice Ouais. League America, c'était vraiment Ouais, pourri. Américain, en fait, je pense que si je me souviens bien, dans cet épisode-là, bah, Attends, spoile pas, t'as. hein, on est sur le planning, là, l'ami. Ouais, mais bon, c'était juste pour expliquer, mais tout le monde l'a déjà Vas-y, vu, enfin, ceux qui l'ont vu sans kiosque, en fait, c'est juste un débriefing de ce qui se passait dans Forever Evil. C'est un d'accord. gros spoiler, c'est juste. On interroge des membres de la Justice League pour savoir ce qui s'est passé, voilà. D'accord, ok. C'est pour ça, c'est pour clore l'histoire. Et bien enchaîner sur Injustice et après le superbe arc Amazovirus. Et avec ça, le futur Endstone 3 qui contiendra les numéros 13 à 23. Ensuite, on a Superman. Hein? C'est quoi que tu m'as mis là? Superman FE. Vinge. Oui. Tu m'as mis un truc là, c'est quoi Superman FE1? Non, c'est. Tu t'es trompé. Donc, en Ouais. fait, tu auras le Green Arrow tome 3 qui contiendra Green Arrow 32 à 33 et Green Arrow Forever 1. Et Secret Origin, c'est en fait dans Future Ends tome 3, tu auras Superman Forever Evil 1. Forever Evil, putain, je suis Future bien là, End ou moi. Forever Future Evil? Ends, Future Ends. Alors, on recommence, vas-y. Ouais, donc dans Future Ends tome 3, en fait, tu Voilà, c'est auras ça, j'ai mélangé. le Bravo. 13 à 23 et tu auras aussi Superman 5 Years Later, comme ils disent, et Green Arrow 5 Years Later. D'ailleurs, on remarquera qu'on a un triple Green Arrow 5 Years. Future End. Ouais, mais le titre c'était 5 Years Later en fait. Mais ils ont traduit ça, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Forever, Future Ends, vu que c'était estampillé 5 ans plus tard. Non, je crois pas, hein. Tous les numéros, c'est des numéros Future End. Hein. Ouais, Tu c'était Future regarderas. Ends et 5 ans plus tard, non? 5 Years Later, c'était un peu dans le mois spécial. C'était un mois D'accord. spécial 5 ans plus tard, je dis pas de conneries en VO. Corrigez-moi, mais je Ah pensais non, que c'était c'était 5 5 ans years plus tard. later, ouais. C'est ça, mais Il me semblait, l'event, ouais. je crois que c'était Oh ouais, Future c'était End en Future fait, Ends, hein, simplement. c'était le spécial mois comme ils adorent faire chez DC, En où ils font septembre. toutes des couvertures alternatives. Bah, le Superman Future Ends, là, il était vraiment pas mal, hein. Ouais, j'avais bien aimé moi aussi. Ouais, du souvenir. Ah. Green Arrow, par contre, je me souviens, je pense pas que je l'ai lu. Bah, ça conclut le règne de l'émir, je crois, sur le titre. Ouais, juste, c'est pour ça qu'on l'a. Mais j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis dans Future Ends tome 3, vu qu'on l'aura déjà dans Green Arrow tome 3 et qu'on va l'avoir en plus en kiosque Ouais. en juillet. Donc on va l'avoir en 2 mois, en 3 mois, on va l'avoir 3 fois la série, Parce que le c'est même numéro. important, ça conclut le run de Green Arrow, et surtout c'est important pour Future End, par rapport à ce Ok. qui se passe dans le troisième épisode de Future End en fait. C'est pour ça Ok, qu'ils mais l'ont en mis fait, là. je l'ai pas encore lu justement parce que ça conclut le run de Lemire et Lemire, je le lis en VF. C'est C'est un pour ça que je l'avais impact pas lu. de partout, et puis ils l'ont mis dans le kiosque, Ouais, parce que aussi dans le sinon ils vont kiosque. encore casser les couilles en disant que dans le kiosque il n'y a pas ce qu'il faut. Donc au moins il Voilà. est partout, au moins les gens ils pourront parler. Ils Ok. râleront pour autre chose. D'accord. Mais Et quand tu vas-y. penses Parce que que tout tout ça, ça, c'est pour aboutir à convergence. Ouais, c'est vrai en plus, putain. On en parlera après aussi, ça. Ouais. Un bon moment. Alors ensuite, toujours donc le planning, Vinch. Oui, donc Warren Ellis présente Hellblazer tome 1 arrive. Apparemment, c'est. Enfin, je suis pas fort connaisseur, moi, de Constantine, mais apparemment, les gens sont très contents. Warren Ellis paraît que c'est un bon run. Je crois qu'il J'ai jamais lu. y a qu'un seul tome en fait. Après ça, je Ok. crois il a fait des trucs dans le titre qui font qu'après il y a eu des polémiques où je sais plus c'est quoi l'histoire, et du coup il s'est arrêté là en fait. Ah, ok, il faut sortir qu'un seul tome, c'est bizarre ça. Parce Ouais, non, qu'ils mais ont c'est que. estampillé tome 1, ils auraient pu l'estampiller 0, Mais quoi. apparemment, Pareil. je crois que son run, c'est ça en fait. Il a pas fait d'autre chose. Ok, bah, à voir. Maintenant, je connais pas du tout, je ne suis pas connaisseur. Je pense que je vais lire ce que. Pour en apprendre plus sur Hellblazer, mais. On en parlera au mois d'octobre 2015. Oui. Quand tu vois Ensuite. Warren Ellis, en général, faut y aller, hein, franchement. Ouais. Mais je tenterai le coup. Sinon, ensuite, il y a l'interminable Batman No Man's Land tome 6 qui sort en C'est la fin, octobre non? 2015. Je crois, je ne sais Voilà, même pas, je crois c'est que la c'est 6 conclusion. tomes, Ouais, c'est la j'espère. conclusion. Enfin, j'espère pour ceux qui le lisent. Ensuite, la fin de l'année 2 avec Injustice année 2, tome 2. Donc là, ça conclura l'année 2 donc, de cette Injustice pour 2015. Et voilà donc pour le planning complet d'octobre 2015. Le novembre devrait sortir pour le mois prochain normalement. Donc nous vous informerons de la suite des événements. Ok, alors on va passer aux news VO. Donc là, pour pas spoiler les lecteurs VF, suite à Convergence, il va y avoir un nouveau statu quo. Mais donc on va pas en dire plus, on en reparlera dans les reviews VO à la fin. Comme ça, les lecteurs VF, ils nous auront quittés d'ici là, et puis on pourra spoiler tranquillement et personne ne sera gêné, quoi. Sinon, les news VO, il y avait pratiquement rien. Il y a eu une interview pourrie de Brian Hitch sur Justice League of America qui va reprendre, en disant que depuis qu'il est né, sa seule raison de vivre, c'était de faire ce titre. Et tous les trucs habituels qui sont pas intéressants. Il y a eu une autre interview de Geoff Johns et Jason Fabok qui parlaient de Darkseid War. Donc là, ils parlent un peu sans trop en dire. Donc c'est toujours le même type d'interview, hein. Ça sert à rien en fait. Voilà. On n'apprend absolument rien. Donc on va vous passer ça. On vous dira juste que voilà, il y a les sneak peeks, donc des sortes de previews de tous les titres de juin qui sont disponibles gratuitement. Donc ça fait 8 pages à chaque fois. Et ils sont tous disponibles sur le site de DC Comics à droite à gauche gratuitement de façon légale. Et donc c'est des histoires inédites en 8 pages qui seront pas republiées derrière en fait. Donc c'est soit vous les lisez sur internet, soit vous les achèterez ensuite en TPB, mais ils seront pas publiés. Ils seront pas publiés comme ça en fait. La dernière solution pour les avoir, c'est d'acheter les comics en VO en fait. Tous les numéros Convergence, les mini-séries, les deuxièmes épisodes contiennent 8 pages de ces futures séries en fin de compte. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc on vous conseille de les lire, hein. C'est voilà, gratos 8 pages, ça fait un paquet de trucs à lire. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre avis sur les titres que vous allez continuer, ou les nouveaux titres que vous allez commencer, ou ceux que vous avez abandonnés, que vous allez reprendre, etc. On en reparlera dans les reviews un petit peu aussi. Vous avez des choses à ajouter là-dessus, les amis, ou on peut passer aux reviews? Série On peut télé? passer aux reviews. Allez-y, spoilez-moi, spoilez-moi. Alors, on va te spoiler, c'est parti. Alors, on commence par donc Supergirl, donc le pilote a fui. Bon, on sait pas vraiment si c'est une fuite, vu qu'ils avaient fait le coup avec Flash aussi à l'époque. Enfin, bon, c'est pas très important. Donc, bon, bah voilà l'épisode. Alors, l'épisode commence, donc on voit Supergirl, l'enfant, qui est envoyé, qui va être envoyé sur la Terre. Et en fin de compte, à la base, son rôle, c'est de protéger Clark, qui est plus petit qu'elle. Et en fin de compte, elle va se retrouver Keblo dans la zone fantôme. Et donc, elle va arriver sur Terre bien plus tard que lui. Et lui sera déjà établi. Donc, ça, c'est, on va dire, la condition de base du personnage. Et après, donc, on va la voir évoluer donc, sur Terre. Donc, elle est une sorte de, on va dire, de stagiaire, d'apprenti journaliste dans un grand conglomérat, là, quatre grandes industries, ou non, quatre grandes, je sais plus quoi. Donc là, l'actrice qui joue elle, c'est Calista Flockhart, qui était donc dans Ally McBeal. Donc elle va évoluer avec elle. Après, il y aura un Jimmy Olsen qui est plus roux mais noir. Donc ça y est, les gens se sont soulevés. Ça leur a changé la vie d'avoir un Jimmy Olsen noir, lui qui soit roux. Donc il y a lui, il y a encore un autre personnage, une sorte de love interest qu'il aime bien. Il y a sa sœur. Sa sœur, elle est interprétée par la sœur de Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Voilà, donc le pilote met en place tout ça. Donc, on nous présente le supporting cast. On nous présente aussi les parents adoptifs donc de Supergirl, donc de Kara. Donc, ça, en fin de compte, ils ont récupéré Dean Cain, je crois qu'il s'appelle, celui qui jouait Superman dans Lois et Clark. Oui, c'est ça. Et Voilà. Supergirl, ils ont récupéré aussi. Voilà. Et la Supergirl de l'époque. Donc, là, les deux acteurs, ils jouent respectivement donc le père et la mère adoptif. Voilà, sinon parallèlement à ça, donc on la voit, ça fait longtemps qu'elle s'est pas servie de ses pouvoirs, donc en quelque sorte elle est en train d'apprendre tout ça, et donc elle va devenir Supergirl, et puis on va commencer à nous teaser la future menace de la première saison. Donc voilà, ben moi j'ai trouvé tout ça super intéressant, j'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé le ton, on n'est pas dans le sombre. On n'est pas dans le Man of Steel, donc c'est les gens ils vont pouvoir tous être contents. J'ai trouvé super d'avoir mis Superman dans la série, parce qu'une série Supergirl sans Superman au loin, ça aurait été un peu casse-gueule. Le seul gros reproche que je ferais, c'est les effets spéciaux, notamment quand elle vole près de la caméra, là, quand elle a le nez collé à la caméra. Là, je trouve que c'est très cheap, ça fait très Lois et Clark. Sinon, globalement, ouais, l'épisode il était assez cool. Ça va pas révolutionner le monde, mais j'ai trouvé ça, voilà, divertissant et sympathique, quoi. Vince, ton avis? Ouais, c'était cool, je me suis bien amusé, quoi. Non, j'ai bien aimé, franchement, j'en attendais rien du tout après le trailer. Ben, j'avais peur d'avoir un truc trop teenage fille. Alors j'ai gardé sans me disant, ben, je vais tester comme ça. Ben, j'ai été bien surpris, j'ai bien aimé le ton. La série est légère, mais pas non plus trop légère, donc ça m'a convenu. Maintenant, les deux seuls petits défauts pour moi, c'est le fait qu'en un épisode, il y a déjà la moitié de tout son entourage qui connaît son identité secrète. Dans ce que je connais de Supergirl, j'en ai pas lu grand-chose, mais dans le comics, c'est pas trop le cas. Enfin, je suis jamais trop fan quand tout le monde sait qui est le super-héros. Ouais, mais Maintenant, regarde c'est pas choquant, mais je trouvais ça juste quoi. dans Flash, ils le savent presque tous d'entrée de jeu. Hein. Ouais, mais pas après un épisode, quoi. Maintenant, c'est juste que j'ai trouvé ça. Enfin, en même temps, c'est vrai que dans le sens, je trouve ça con le délire des lunettes parce qu'on voit clairement que c'est elle. En même temps, Jimmy Olsen, il est envoyé par Superman. Son pote qui. Enfin, je sais pas, mais le truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle le dise à son pote directement, qu'elle connaît. Enfin, ils ont pas assez exploité sa relation. On savait pas si elle le connaît depuis longtemps ou si pas. J'ai l'impression qu'elle l'a dit au premier mec qu'elle a vu qui était gentil avec elle. Donc, c'est juste ça que j'ai trouvé dommage. C'est pas un reproche, hein. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu dommage de directement qu'elle dévoile son secret. Maintenant, l'autre truc que j'ai trouvé un peu trop attendu, c'est la raison, la menace qui arrive avec elle. J'ai trouvé ça un peu trop téléphoné, c'est tout, mais sinon c'était un bon épisode, j'ai été bien surpris, j'ai été content, donc je vais suivre le début de la saison pour voir ce que ça va donner sur la longueur. J'ai bien J'espère aimé juste. l'actrice principale, je trouve qu'elle jouait bien. Ouais, je regrette un peu Claire Holt, mais c'est pas grave. Je trouvais qu'elle avait plus le physique, maintenant l'actrice, ouais, elle a bien joué. Maintenant j'espère que 22 ou 23 épisodes sera pas trop long pour cette série, qu'il n'y aura pas trop des longueurs. C'est ce qui me fait le plus peur. Maintenant, sinon, Moi Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. j'ai peur que ça soit kitsch par rapport aux effets spéciaux, parce que là sur un pilote à 14 millions de dollars, il y a pas mal d'effets spéciaux qui font pchit, notamment même le combat à un moment donné qu'elle a avec l'espèce de mec là. Donc sur Flash, il y a des effets spéciaux, mais là l'avoir volé machin et tout, sur 23 épisodes, je pense que ça va être... Enfin, CBS, c'est Ouais, une je grosse sais chaîne, pas, hein, c'est pas CW, ils ont des moyens, mais... je sais pas, j'ai envie de dire en 93, 92, ils faisaient Superman, Lois et Clark sur 22 épisodes. Les effets spéciaux étaient cheap, mais c'était pas non plus à s'arracher les yeux. Et là, on est en 2015, il y a moins qu'on fasse des effets spéciaux qui coûtent pas un bras et qui ressemblent pas à du cheap, je trouve. Enfin, je sais Bah pas. là c'est quand même cheap des fois, tu trouves pas? Ouais, franchement, ça m'a pas choqué plus que ça. Il y avait deux, trois petites scènes, ouais, mais je trouve pas que c'était si cheap que ça. Franchement, regarde Lois et Clark, là, tu verras que c'est un peu plus cheap, mais c'était, faut dire que les spéciaux sont ratés, c'est un peu abusé, quoi, je trouve. Ouais, non, moi le seul reproche ce serait sur ça. Il y a des moments moi où je trouve que ouais c'était un peu pourri, moi. Mais sinon à part ça va, hein. C'était divertissant quoi. Donc toi Spectra tu l'as pas vu encore? Non, moi j'ai vu que le trailer du coup, donc... D'accord, on te laisse, tu nous diras ton avis la prochaine fois. Ouais, bah du coup, je comptais pas regarder, mais. Non, mais regarde. Vu que vous êtes agréablement surpris, je pense que je vais quand même me laisser tenter au moins par un ou deux épisodes, Ouais, puis je non, verrai. c'est. Ouais, tu verras, c'est le pilote en tout cas, après j'en sais rien, mais le pilote il est divertissant quoi. Ensuite, on va passer à Flash, le season final. Donc, Vinch, c'est ta section, on te laisse t'exprimer. Ouais, ben donc Flash, ouais, franchement, j'ai trop kiffé ma race. Les derniers épisodes étaient montés en intensité pour moi. J'ai vraiment bien aimé. Maintenant, en fait, j'avais tellement. La fin donne tellement de hype qu'on oubliait un peu l'épisode. C'est vrai que la première moitié du final était un peu longuée, je trouve. C'était un peu trop de discussions inutiles, de blabla. Mais bon, en même temps, on a eu des réponses, etc. Et puis la fin était vraiment badass avec Flash qui retourne dans le temps, qui voit sa mère, qui fait le choix de ne pas la sauver. Il lui dit adieu quand même, etc. Puis il y a eu bah, Alors la fin. on va raconter un peu le scénario en fait. Donc à la fin de l'épisode dernier, donc on s'était retrouvé avec Barry qui a arrêté Town. Donc là on va spoiler. Hein. Et donc là du coup ben, le truc qui renverse tout, c'est qu'il lui propose un marché en lui disant écoute, si il y a peut-être moyen que tu puisses retourner et changer le passé en fait. Donc de là, comme tu dis, il y a pas mal de scènes où il discute, où il veut être sûr de lui et d'y aller en fait pour changer le passé. Et en fin de compte, il retourne. Et il va pas changer, il va laisser les choses telles quelles. Et comme tu dis, Vince, je te laisse continuer. Il dit au revoir à sa mère en quelque sorte. Ouais, il dit au revoir à sa mère, il lui fait bon, c'est Barry, machin, elle est fière de lui et tout ça. Donc lui, il retourne dans le présent avec un effet super badass. Il défonce la gueule à Reverse Flash. Bon, après, Reverse Flash prend le dessus. Et là, bah, le moment inattendu, donc c'est un méga spoil, il y a Eddie qui se suicide. Ouais, ça Donc par là, contre, j'étais. ça c'est bizarre. Ouais, c'était bizarre, mais je m'y attendais vraiment pas. Là, j'ai été surpris quand même. Le mec, il se tire une balle, donc l'autre disparaît. Reverse Flash, forcément, il est non, tu m'as détruit. Mais ça, Donc c'est. s'il y a une incohérence, non? Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit une incohérence. Maintenant, c'est pas une incohérence vu que t'es dans du super-héroïque et que je te défie de me prouver thématiquement et sémantiquement à notre époque que le voyage dans le temps existe et que si tu tues toi, ton ancêtre meurt dans une autre réalité. Donc c'est. En fait, techniquement, les Boartans qui étaient dans le présent étaient les Boartans de la réalité de Flash Prime, on va dire. Parce qu'en fait, on a appris, donc ça, c'est encore un méga Ça, spoil. je te l'avais dit, hein. J'avais raison en tout cas. Vas-y, vas-y. J'aime Ouais, bien quand mais. j'ai raison. Non, bah, ouais, t'as raison, et non, en même temps, c'est comme je dis, c'est pas réel, donc c'est pas plausible. Oui, Ça, mais c'est c'est pas, ça. tu sais pas le prouver C'est que scientifiquement. la première timeline, c'est que comme je te dis, Barry, il est devenu Flash et sa mère, elle est pas morte. Et Mais c'est non, on sait suite. pas ce qui s'est passé dans la première timeline non plus, on sait juste que sa mère n'est pas morte dans la première timeline. Oui, mais fatalement, s'il est revenu dans le passé pour la. Je veux dire, il était Flash, il est devenu Flash, machin, sa mère, elle est pas morte. Ensuite, il y a eu le conflit avec Town. Et suite à ça, pour le punir, il veut retourner dans le passé pour le tuer. Ouais. Donc à partir de là, il y a une autre réalité qui se forme, et c'est la réalité dans laquelle on suit la série en quelque sorte. Voilà. Maintenant, Et donc c'est la suite à première fois ça, dans le comics que la mère de Flash meurt pas, je crois. ça je te l'avais dit, dans Flash Rebirth, Donc, c'est dit. de quoi? Dans Flash Rebirth, c'est dit clairement que en fin de compte, avant qu'il change l'histoire, Flash il devient Flash, sa mère elle est pas morte. J'ai pas Flash Rebirth, j'ai lu il y a longtemps, ça me. Je me souviens pas, moi je me souviens juste que dans Flashpoint, quand il sauve sa mère, ben, la Terre elle change et qu'on lui dit que s'il sauve sa mère, ben, la Terre elle sera plus jamais pareille. Oui, bah oui, ça crée encore pareil une nouvelle ligne temporelle différente. Mais là, Donc du ouais, coup, donc là. le truc, c'est que Barton, vu qu'il n'est pas de cette dimension-là, en Maintenant, quelque sorte. ce qui est bizarre aussi, si on suit ton développement, c'est pourquoi est-ce que le Flash de la première timeline a dit au Flash de la deuxième timeline de pas sauver sa mère. En gros, il l'a empêché de le faire pour une bonne raison. Maintenant, pourquoi? Mais parce que C'est qu'il. c'est peut-être pas ce flash-là que t'as vu, peut-être que t'as vu le troisième flash du futur en fait. Bah, c'est le troisième Flash du futur, enfin le Flash du futur, le premier, l'original, qui a dit au Flash Prime, qui lui, enfin au Flash, à notre Flash à nous en gros, qui lui a fait signe, je sais pas si tu vois, quand il Oui, s'approche oui. pour sauver sa mère, il lui fait non, ne la sauve pas. Donc pourquoi? Parce qu'il sait que si ça risque de faire quelque chose de mal s'il la sauve. Peut-être parce que peut-être que c'est un troisième flash en fait encore. Bah non, c'est le Flash qu'on a toujours vu, c'est le Flash Prime. Mais qui te dit qu'il n'y en a pas un troisième en fin de compte? De quel troisième tu parles? Il n'y a pas de troisième. C'est le mec qui lui dit ça, c'est le premier. C'est celui qui se ramène avec Burton, qui se bat Oui, et mais qui sauve. ils peuvent jouer sur ça en fait. Ils peuvent Bah jouer non, sur un parce que troisième. on a vu la scène 183 fois cette saison, on serait complètement bidon, quoi. Le mec, tu l'as vu 43 fois se ramener avec Burton, se battre, prendre son lui et partir. Donc là, c'est la même scène qu'on a toujours vue, c'est juste on la voit chaque fois d'un point de vue différent. On la voit du point de vue du Barry enfant, on la voit du point de vue de Cisco, puis on la voit du point de vue de Burton, et là, on l'a vu du point de vue de Flash de notre Terre, si on veut. Bah écoute, on verra. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait un troisième dans l'histoire. Ça pourrait peut-être faire concorder les choses. Après, sur Hobartown, le fait qu'il soit mort et qu'il n'ait pas la réalité et qu'il meure directement derrière, c'est peut-être qu'ils pourront expliquer ça avec de la présence de la Speed Force ou j'en sais rien quoi, mais ça tue, hein, c'est ambitieux, c'est quand même bien conclu, mais après, ouais, faudra voir jusqu'où ils vont. Moi, j'ai confiance en Geoff Johns, mais là, c'est vrai que la fin, elle est quand même hyper ambitieuse. Et Ouais. après, donc il tue le mec, l'autre il meurt alors qu'il n'est pas de la réalité, de la même réalité que les autres, et fatalement derrière ça, ça fait un trou noir. Tu vois, ça c'est bizarre aussi. J'ai hâte de voir ce Bah, qu'ils le vont trou mettre dans noir, la c'était saison non, 2. ils l'ont expliqué le trou noir. Pourquoi c'est il lui avait dit qu'un trou noir se créerait si on s'il y avait une chance qu'un trou noir se crée quand il a fait son Big Bang là. Il lui a dit au début, je sais pas si t'expliques, c'est pour ça que Flash il hésite en fait. Parce qu'il y a une chance sur Ah oui, deux d'accord, que c'est le vrai. truc il rate et qu'il y ait un trou noir. Maintenant, le truc il s'explique aussi si le Reverse il meurt, c'est parce que la nouvelle réalité a remplacé la première en fait, tu vois, peut-être. Vu que. Enfin, comme dans Flashpoint par exemple, tu vois, quand il sauve sa Oui. mère, bah, la réalité est remplacée et après ils se souviennent plus, etc. Donc c'est peut-être pour ça. Ça, j'ai pensé à ça Donc, aussi. Ouais. Il y a plusieurs. l'autre il est board des deux mondes, si on veut, en gros. Enfin voilà, maintenant on sait qu'ils vont revenir, donc on sait qu'il n'est pas vraiment mort. Par contre, l'acteur, beaucoup se disent que Eddie non plus n'est pas mort, vu qu'il se fait aspirer dans le tournoi, on ne sait pas ce qui va lui arriver, tout Ouais, ça. mais Eddie a moyen que ce soit le prochain futur Flash, enfin Reverse Flash, dans les prochaines saisons. Ça, c'est fort possible. Sûrement, ouais. Ils vont pas rester là. À mon avis, moi je vois bien un truc du style, on va le revoir mieux, enfin courant de la saison 2. Il va se ramener, genre, il s'en sera sorti par je sais pas quel moyen, ils vont voir que Iris et Barry sont pécho, le mec il va péter les plombs, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'était assez énorme. On t'a donné envie de le voir, hein, j'espère, Spectra. Ah mais putain, là, je te jure, j'en peux plus, là. Enfin, tu vois, j'ai loupé tous les épisodes de Game of Thrones et tout, mais enfin, tu vois, je m'en bats je m'en bats carrément, quoi. J'ai juste envie de terminer Flash, là, parce que quand j'ai entendu trou noir, Earth 2, machin et tout, j'étais, oh putain. Et Ouais, c'est vrai que donc. c'est hyper ambitieux, hein, ce qu'ils ont fait, là, c'est, chapeau, D'ailleurs, dans le hein. final de la saison 1, ben, on a déjà les prémices de Legend of Tomorrow, vu que Rip Hunter est cité, il y a le casque de Jay qui apparaît, on voit aux Girls aussi. On voit aux girls, on voit aussi dans le quand il passe par la Speed Force, on voit une image donc de l'équipe là Ouais, de l'équipe, on voit Killer Frost, on voit Barry en prison, et on voit on voit aussi la statue Flash. le Ouais. musée Mais Flash, il ouais. va dans la Speed Force aussi. Ouais, tu Bah, vas en il quelque sorte. voyage dans le temps, je suppose que c'est quand il est, je suppose qu'il est dans la Speed Force, on suppose. Ouais, c'est Ouais. En ça. fait, ils connaissent pas encore Ouais, trop, ça mais fait l'autre, envie. Wells cite la Speed Force, mais bon, Barry, il la connaît pas encore trop sur ce nom-là, évidemment. Et ouais, il voyage dans le temps jusqu'au moment de sa mère, puis il revient, et voilà. Et Ouais. l'autre, il avait une machine pour retourner dans son temps qui est détruite, mais c'est la même machine que Rip Hunter. En fait, d'ailleurs, beaucoup de monde croyait que Wells allait être dans Legend of Tomorrow, mais en fait, l'image qu'on voyait dans le trailer, c'était l'image du final de la saison 1 de Flash, quand tu le vois dans sa machine. Je sais Ah pas si vous vous souvenez. ouais. Ouais, bref, Maintenant, il bon, ouais. sera peut-être dedans aussi, mais je veux dire, l'image venait de là en tout cas. Mais sinon, ouais, c'était la putain de finale. Alors là, à la fin, quand tu le vois courir sur le building et rentrer dans le trou, enfin, autour du trou noir pour faire. Pour contrebalancer, maintenant tout est possible en fait. Maintenant, est-ce que l'univers va changer à jamais ou est-ce qu'il va réussir, il va retourner dans le trou noir, il va se passer un truc? Franchement, on se pose des questions. Mais le final, il est extra. En même temps, t'as une putain de haine à la fin. Est-ce que tu te dis bordel, il faut que j'attende 6 mois pour avoir la suite, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Non, on va passer à Raw, hein, c'est tout l'inverse. Ouais, l'inverse, c'est carrément, ça c'est carrément l'opposé, t'as... C'est bizarre, vas-y, je te laisse faire. Ouais. Alors Arrow, bon du peu je me souviens parce que ça l'épisode il m'a pas marqué. En fin de compte, donc on a le combat final avec Ra's al Ghul. Donc Arrow, bon ben forcément il gagne, machin. Et alors attends, j'essaie de me ressouvenir parce que ça fait un bail que je l'ai vu. Meryn devient Ra's al Ghul. Ouais voilà donc Merlin il devient Ra's al Ghul. Merlin. Et... Merlin. Merlin? Merlin. Ouais Merlin comme tu veux. J'appelle Merlin, je m'en bats les couilles. Ouais, ça, Merlin. Et donc, du coup, voilà, et en fin de compte, bah, ça boucle la boucle dans le sens où, bon, ben, Arrow, il découvre qu'en fait, il peut être amoureux et avoir une vie normale. Donc, en fin de compte, l'épisode se finit où ils sont en voiture avec Felicity. Et donc, Oliver Queen, il laisse tomber le costume d'Arrow et il arrête cette vie-là. Donc, en fait, les gens, ils ont critiqué, et je peux comprendre le fait qu'il n'y a pas énormément d'action, que ça se termine de façon assez fermée, et la série pourrait se terminer directement là, en fin de compte. Hein. Moi, j'aime bien quand des fois, il y a des fins de saison qui se terminent comme ça, où elles peuvent se suffire à elles-mêmes, en fait. On se trouve pas la bouche ouverte comme dans Flash où maintenant il faut attendre un an, enfin pas un an mais la saison prochaine pour avoir la suite. Et donc quoi, en fin de compte, ils avaient prévu à la base, je pense, la série Arrow sur 5 saisons. Et moi je vois les 3 premières saisons comme un premier acte où le personnage donc se construit. Et je pense que la prochaine saison verra l'apparition d'enfin Green Arrow quoi. Moi Ouais, parce je l'ai vu que comme ça. on a oublié dans les news, mais il a été dit que Green Arrow, enfin Oliver Queen serait plus joyeux et plus souriant, etc., qu'on aurait plus un mec dépressif. C'est ça, Maintenant, le ton serait un peu plus lumineux, mais bon, après, faut voir que ça devienne pas un peu trop comme Flash non plus, quoi. non, je pense simplement que peut-être il va lâcher une feinte ou quoi, il sera content, tu vois. Maintenant, ouais, je pense que ça va toujours rester Star City restera toujours un endroit mal famé, tu vois, ça va pas devenir non plus Star City où tout le monde y sera beau et tout. Star City et Flash, Central City, pardon. Non, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que ça manquait d'action. Le truc était un peu téléphoné à certains moments. Bon, tu te doutes bien qu'il va gagner, tout ça. Maintenant, j'ai trouvé ça pas mal aussi, parce que comme tu dis, ça suffit à soi-même. Avec la saison comme on l'a eu, ben, j'ai trouvé ça bien que ça se finisse comme ça. Ils ont tout doucement introduit la suite de enfin, le méchant de la saison suivante. Maintenant, ben voilà, on a du teasing pour la suivante. Ben voilà, il y a John Deagle qui va devenir un super-héros. Il y a Speedy qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bah, lui, il se part en mode Kumbaya avec Felicity. Ouais, ça tease un peu, mais c'est pas fait salement comme dans Flash, quoi. Il y a une Non, non, fin et maintenant, ça, voilà, c'est... c'est ça. En fait, le statu quo, c'est Oliver Queen et Felicity partent Kumbaya vivre ensemble en amoureux loin, et il y a Speedy, Atom et Deagle, enfin le Deagle qui va devenir un super-héros, qui vont veiller, et Black Canary qui vont veiller sur Star City, un peu dans C'est son ça. absence, pendant qu'il n'est plus là. Maintenant aussi, le truc qu'on a oublié, c'est bah, à la fin, il y a, entre guillemets, tout le monde croit qu'il meurt, il y a Atom qui fait une expérience, et il y a le dernier étage du building qui explose. Et maintenant, bah, ça en fait, c'est du spoiler si vous n'avez pas vu les bandes annonces, mais en gros, tout le monde pense qu'il est mort, et au début de la saison 3, bah, 4, pardon, bah, on voit qu'il a appris à rétrécir, quoi. Atom devient vraiment Atom. Ouais, Atom devient Atom et il arrête d'être Iron Man. Ouais. Quoique, c'est pas Et dit. Iron Atom. Iron Atom, ouais. En même temps, c'est vrai que on critiquait beaucoup. Enfin, moi, je trouvais ça bidon le fait qu'il ressemble à Iron Man. Maintenant, dans le concept, une fois qu'il a rétréci, il faut quand même qu'il ait des propulseurs ou quoi, parce que dans le comics, c'est adaptable. Tu vois, le mec, il est en espèce de collant spandex là, et il saute partout et il est super fort. Mais dans le contexte réalité visuelle, je vois mal un mec en spandex commencer à sauter super fort alors qu'il fait un demi centimètre de haut, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc là, les propulseurs, c'est adaptable. Maintenant, c'est le. Tu peux dans toute la phase de construction. J'avais trouvé ça un peu spécial parce que le gars ressemblait vraiment à Iron Man, quoi. Sauf le casque, heureusement. Ouais, t'as autre chose à rajouter, Vinch, ou on passe au review Non, des on peut comics? passer au review VF. Tu vas le regarder aussi, le final Spectra de Arrow? Non, ah ouais, je me suis pas enfilé la saison 3 pour pas voir le final. Hein. Non, non, franchement, je vais regarder. C'est vrai que j'ai été bien déçu hein, quand même par la saison 3 dans l'ensemble. C'était quand même assez moyen, quoi. Après, hein, les moments il y a eu quelques super moments quand même dans la saison 2. Et là, mais bon, bah, je vais continuer, Arrow, ça fait toujours plaisir. La saison 3, il y a eu quelques fulgurances, mais globalement, sur toute la saison, moi j'étais assez déçu quand même de cette saison. Pour moi, c'était presque la. Enfin, non, ce serait pas être la pire saison, parce que la saison 1 était vraiment lourde à certains moments. Mais on va dire que c'est celle qui m'a le plus déçu, parce que après une saison 2 très, très bien, j'espérais vraiment une saison 3 au top, et j'ai été un peu déçu. Maintenant, j'espère que la saison 4 sera bien mieux. Et c'est pour ça que je suis content que le final finisse comme ça, parce que ça peut vraiment repartir sur de nouvelles bases saines Ouais, pour la c'est saison ça. 4. Voilà. Ok, bon ben on va attaquer les reviews comics VF. Donc il n'y a que Vinch qui a des sous, donc il n'y a que Vinch qui a tout lu. Donc on va commencer par Nightwing tome 5, le dernier tome de cette série qui aura bien démarré mais qui aurait été rapidement catastrophique. Ouais, donc attachez-vous, ne vous endormez pas, c'est parti pour 1h15 de review VF. Donc Nightwing tome 5, c'est donc le dernier tome, il est estampillé dessus, Urban a mis un bel autocollant. Alors, donc on a trois auteurs au scénario parce qu'il y a donc de l'annual, du Zero Year et la fin dessus. On a une flopée de dessinateurs aussi, je ne vais pas se les citer, parce que sinon on passerait 1h30 de review. Bon, dans l'ensemble, ce tome-là, bah, ouais, il est un peu mieux que le tome précédent pour moi. Mais sinon, ça conclut bien l'intrigue. On est content que ça se finisse. Puis ça ouvre la voie sur la suite sur Grayson qui est maintenant en kiosque et qui devrait arriver en librairie. Donc voilà, c'est même annoncé en fait dedans. Je suis con. Donc à la toute dernière page, il y a marqué bientôt en librairie. Le célèbre sidekick du Chevalier Noir devient Grayson. Donc ça, vous en apprendrez plus. Il va infiltrer en gros une organisation secrète, tout ça. Mais sinon, ouais, le tome. N'est pas extra, maintenant ça conclut bien la série si vous l'avez lu jusque-là. Maintenant, ça sert à rien de commencer par le tome 5, évidemment. Mais bon, on dit au revoir à Nightwing sans trop de tristesse, en fait, malheureusement. Ouais. Et donc voilà, ça se clôture sur une demi-bonne note, on va dire. Ouais, il y a cette série, hormis le tome 1 et 2, après le reste. Ouais, franchement, après, c'est devenu hyper long. Le tome 5 rattrape un peu le truc, mais c'est vraiment pas non plus. En fait, du moment où, du moment, moi je suis pas fan de Batman, hein, mais du moment où il quitte Gotham, qu'il va à Chicago, ça devient un peu n'importe quoi en fait. Ouais, ben, à la base, quand j'avais lu ça, j'étais content. Enfin, quand j'avais lu l'info, j'étais content parce que je me dis ça Pareil. va peut-être un peu se démarquer. Mais en fait, ça a été pour moi un gros bide scénaristique. Parce C'est que c'était clair. vraiment pas intéressant, donc Ouais. voilà. Bah, il a repris un peu les éléments que les auteurs là, ont repris les éléments que Snyder avait instaurés dans Sombre Reflet là, mais c'était pas super bien fait quoi. Par contre, Grayson, du coup, j'ai commencé là, enfin j'ai même fini là, je suis à jour, c'est franchement bien. Hein. Ouais, Ouais, pareil, tout le monde dit franchement que c'est bien agressionnant. c'est très bien. Vraiment original et au niveau du dessin et tout, c'est assez chouette. Donc ça va être à suivre par contre. Ouais, j'avais commencé en VO, j'ai arrêté parce que je vais reprendre à la VF, je préfère, c'est plus confortable à lire. Mais ouais, c'est vraiment bon et on n'hésitera pas à le review dès qu'il sortira en librairie. Alors Donc, ensuite, ouais, ensuite, donc du Geoff Jones, du très bon Geoff Jones, ça c'est très bien, c'est la suite, plus que c'est l'avant-dernier tome. Donc, Geoff Jones présente Green Lantern, tome 6, la rage du Red Lantern. Des Red Lantern, pardon. Donc ça, c'est la suite directe du tome 5. Et en même temps, on y retrouve des éléments du tome 0. On comprend pourquoi ils ont introduit le tome 0 avant, vu que ça reprend des histoires de la mythologie, de la fameuse prophétie de la nuit noire avec les Red Lantern et tout. On découvre de plus en plus de nouveaux corps. Franchement, c'est toujours aussi bon. J'adore toujours les dessins, l'histoire. Franchement, c'est du très très bon Geoff Jones, là. Il est au top à ce moment-là. Donc on y retrouve Sinistro qui va être jugé pour ses crimes durant la Sinistro War, Hal Jordan qui est plus que décidé à le faire exécuter malgré leur passif amical, etc. C'est pour ça qu'on retrouve des clins d'œil avec le tome 0, puis aussi la naissance des Red Lantern, donc le vilain méchant qu'on voit dans le tome 0 qui crée son corps après à la base de la du sang, Swiss Malt. Et donc voilà, il y a les Blue Lanternes aussi qui débarquent, ça fait plein de corps, et donc à la fin, on utilise l'arrivée de l'agent Orange, qui est donc l'Arflézel, ceux qui connaissent, et aussi le début L'Arflise. de l'Arflizel. Ouais. Moi, je dis toujours de l'Arflézel, mais en fait, c'est l'Arflizel, ouais. Ouais. Et alors aussi le début de l'Arflizel qui revient en putain, j'ai oublié. En De Star quoi? Saphir, voilà. Ouais. Carl Ferris qui redevient Star Saphir, donc ça sera pour le tome 7 qui était avant nommé. Agent Orange, maintenant je sais pas s'il va rester ou pas, et tout ça fait prémisse à la Black nuit and noire. White. Ouais. Black Snyder, c'est la seule déception que j'ai, c'est que quand je lis tout ça, ben, en fait je sais ce qui arrive, et je pense qu'ils auraient mieux fait de sortir Black Snyder bien plus tard, parce qu'au moins le lecteur qui avait lu que ça aurait été encore plus subjugué par les événements. C'est clair. Donc maintenant c'est la seule petite déception, je vais dire, générale du tome, mais franchement c'est toujours un plaisir de découvrir l'histoire et de voir toute la mythologie de Jones pour les Green Lanternes. On voit qu'il a aimé et qu'il a bien travaillé là-dessus, franchement. Donc prenez-le, continuez. Si vous n'avez pas commencé la série, commencez là. Il n'y a plus qu'un tome qui sortira sûrement, j'espère, fin 2015, mais à mon avis, ce sera pour 2016. Ok, donc ça tu conseilles. Ouais, franchement, je conseille, prenez-le, c'est très bien. Ensuite, Ensuite, on va passer à Batman Batman. Eternal, non, à Eternal, parce que Ouais. vous l'avez lu aussi. Spectra, tu l'as lu en VO, toi, non? Ouais, moi j'ai tout lu. Ouais, donc voilà, tu vas pouvoir en parler avec moi. Donc ici, nous, on a. On est du tome. On a dans ce Batman Eternal tome 2, on commence du je dis pas de bêtises, du 14 au 26. Donc c'est un beau volume. On a 12 numéros. Je sais pas ce que toi t'en avais pensé en kiosque. Moi j'avais commencé en kiosque en single. Moi j'avais commencé en single, j'avais pas trop aimé, mais là j'accroche beaucoup plus, comme j'avais déjà dit. L'histoire, quand elle est compressée comme ça, c'est bien mieux, on est beaucoup plus dedans. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est ce changement de dessinateur continu. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais comme c'est une hebdo, c'est normal, mais c'est un peu chiant quand tu passes d'une page à l'autre et que des fois t'as des très beaux dessins, puis t'as des trucs qui ressemblent pas à grand chose non plus. Bah du coup, c'était moins choquant, je pense, quand tu avais un numéro par semaine que quand c'est comme ça dans le même ouvrage. Mais c'est vrai que des fois, c'était gênant parce qu'il y avait des dessinateurs, c'était vraiment très moyen. Après, au niveau des histoires, là, le tome 2, il est encore pas mal. Mais je trouve que tu commences à sentir les ficelles, un peu. Tu sens comment c'est structuré et puis ça va être comme ça jusqu'à la fin, quoi. Et c'est là qu'il y a du batwing là-dedans dans celui-là ou pas? Ouais, t'as un peu de Normalement, batwing. ouais. T'as un peu de batwing dedans, ouais, qui s'entrepose. Non, ce qui est choquant, c'est qu'ils ont pris Fabook comme fer de lance. Tu le vois encore un peu, puis tu passes à des autres dessinateurs. Donc là, sur la série, on a Fabook, on a Nguyen, on C'est a Fabok, Clark, on a l'ami. Fabok. Ouais, moi, je dis Fabook, mais Fabok, ouais. En même temps, je ne veux rien dire, mais celui qui présente Merlin, ça va. Nguyen, Clark, Pas Que, pareil. Moi, Simeoni, j'invente pas des Lucas, lettres. Moi, c'est Merlin, je dis Guevara. Merlin. Non, c'est Merlin. C'est avec un Ok. Y. Mais il y a un E à la fin? De quoi? De Merlin. Je ne sais plus, mais je sais que c'est Y, donc normalement ça se prononce Merlin. Ils le disent moi je l'ai entendu dans Arrow, c'est pour ça que je sais qu'il se prononce comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus l'écriture. Ok, ça va, ça va. Vas-y, continue 1, avec 2, Fabouk. 3, Vas-y, on 4, t'écoute. Fabok, Nguyen, Clark, Simeoni, Lucas, Guerra, Ferriera. Ouais, donc on a vraiment une flopée de dessinateurs. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont beaucoup moins bons. Donc c'est ça que j'avais trouvé un peu. Qui te fait des fois un peu sortir du tome, mais sinon, ouais, Batman Eternal, c'est toujours une lecture à lire. Maintenant, c'est de l'hebdo, c'est bien, mais ouais, si vous avez commencé, continuez. Et si vous avez bien de l'histoire du Batman, sur la Bat-Family, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas que du Batman, t'as Jason Todd, t'as de la Batgirl, Ouais, ça t'as c'est le du. point. Ça c'est le point positif. Le point Ouais, négatif, c'est la t'as du partie sur. Red Robin. Ouais, il y avait un épisode comme ça où il y avait, je crois, Batgirl et Red Robin qui étaient ensemble au Japon, un truc comme ça. Je sais plus si c'est dans Ouais. celui-là. Je pense Mais que c'est dans le précédent, mais non, au je sais plus. Brésil, non, c'est pas. Ah, au Brésil, ouais, ça doit être ça, ouais. Au Brésil, mais ça c'est Red ou des Bad Girls, Bon, si je dis pas de ah, conneries. ça c'était cool. Après, la partie sur Batwing, scénarisée par Ray Fox. Moi, j'ai trouvé ça nul à chier, quoi. Dans la maison là en dessous avec le spectre, je me suis fait chier à mort, quoi. Ouais, j'ai pas trop aimé cette partie-là non plus. C'est un peu longuet et puis c'est pas trop intéressant. Et encore là dans le TP, c'est mis d'un coup quoi. Mais quand tu suis en hebdo, que tu tapes 4 semaines d'affilée ou 3 semaines d'affilée Batwing, franchement, moi c'est à cause de ça que j'avais arrêté en fin de compte. Ouais, bah ouais, c'est vrai que les hebdos, ça qui est difficile, c'est que des fois, bah, c'est comme une série normale, quoi. Une série TV, quand t'as 3-4 épisodes qui sont un peu lourds, bah t'as plus trop envie de continuer, surtout quand tu dois les payer. Ouais, c'est ça. Alors, moi, Ray Fox, j'ai vraiment du mal quoi. Donc ça, tu te conseilles toujours, pour l'instant, c'est cool quoi. Ouais, franchement, si vous avez bien aimé, continuez. Non, si vous aimez pas, faut pas vous acharner non plus. Ça reste dans le même niveau, dans le Ben même niveau que les le gens tome 1. risquent de se faire avoir, de voir le tome 1 avec Fabok, de trop kiffer et de se lancer, et puis après d'avoir des dessinateurs, c'est pas moins bon, mais c'est vrai qu'il y en a, ils ont des styles assez particuliers quand même. Ouais, maintenant l'histoire, à part deux trois histoires qui deviennent un peu lourdes, je veux dire, ça reste dans la même gamme, vu que c'est toujours Snyder et son disciple Et toute la team là, ouais, ils sont un que j'ai paquet pas eu là. prononcé, ce que je vais me faire remballer vu que je le prononce mal. James Tignon Fort là, c'est ça? Ouais, Tinian Four, voilà. Ouais, mais ils en sont un paquet. Il y a aussi donc Red Fox, il y a aussi. Tim Seeley. Ouais, mais je veux dire, c'est eux les architectes de la Ouais. c'est eux qui ont fait l'histoire générale. Maintenant, ouais, t'as en scénario, t'as Seeley, Higgins, Tom Seeley, ouais. Tom t'en as plein, mais je veux Seeley, dire, Higgins l'histoire. qui était sur Nightwing à l'époque. Ouais, Higgins. Et ouais. Layman. Ouais. Mais ouais, mais je veux Layman dire, sur pas c'est. beaucoup de numéros, hein, du coup. Ouais, il s'était barré à Non. l'époque, je crois, non? Ouais, mais. Je veux dire, les architectes, ceux qui ont fait la storyline de base, c'est Snyder et Tignon. Ceux Ah qui ont ouais. fait l'histoire de base. Maintenant, ouais, les scénaristes, il y a des scénaristes qui ont scénarisé certains numéros, dont ceux que tu n'aimes pas trop. Ouais, ok. Bon, on va passer alors au choix encore du Batman, hein, parce que Batman Ouais, Beyond. Batman Beyond, donc ça c'est. Ils ont sorti ça sûrement pour Foutu Rennes, pour que les gens qui ne connaissent pas du tout sachent qui c'est. Mais ça se passe donc dans un univers alternatif, donc dans la Terre, on va l'appeler dans la Terre de Bruce Timm et de Paul Dini. En fait, donc c'est la suite de De la la série. série Batman Beyond qui est sortie il y a quelques années, qui elle faisait suite à la Batman, la série animée. Donc ça se passe dans l'univers de Paul Dini et de Bruce Timm. C'est la suite logique. Donc ça se passe quelques années après le retour du Joker. Donc c'était l'animé, le film animé. Donc je sais pas si ceux qui vous connaissent se souviennent quand le Joker il réapparaît alors qu'il parce qu'il avait implanté une puce dans la tête du troisième Robin dont j'ai oublié le nom. Et Du ça, deuxième, oui, pardon. j'ai vu, c'était ouais, de Tim Drake. Ouais, de Tim Drake, voilà. Donc Mais ça se ça, passe quelques... si on n'a jamais vu le dessin animé, on comprend ou pas? Ouais, t'as un résumé au début, t'as un résumé des personnages. D'accord. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu moins accessible parce qu'il se passe plein de trucs, mais ils ont eu l'intelligence de faire une timeline de cette Terre-là, D'accord. donc de 2004 à 2069, de faire un beau résumé, d'avoir un résumé de tous les personnages. Donc ouais, c'est tout à fait accessible. Urban fait bien ses préfaces, y a pas de souci. Donc ouais, là, franchement, si vous avez bien aimé la série TV, bah, je vous conseille de foncer parce que c'est le même chara design et tout, c'est très bien. L'histoire, on s'y prend. Moi, j'ai bien kiffé en fait. Parce que j'avais déjà bien le dessin animé, mais là j'ai bien aimé, c'est avec le retour principalement de Silence, Hush, ceux qui connaissent, donc l'un D'accord. des ennemis mortels de trucs. Maintenant il va y avoir plein de surprises, il y a pas mal de rebondissements, et l'univers est très plutôt intéressant, il y a de la Guest, il y a du Superman qui vient rendre visite, il y a de la Justice League de 2069, donc franchement ouais, c'est une bonne lecture, j'ai bien aimé, ça change un peu, parce que Bruce n'est pas trop présent, à part dans l'oreillette, c'est donc... son disciple de l'époque qui est en fait son fils génétique qui s'appelle Terry McGinnis. C'est ça. Et Ouais. donc, qui n'a rien à voir avec le Terry McGinnis qu'il y aura dans Futures End. Non, non, rien à voir du tout. Rien à voir, quoi. On va dire ça c'est le Terry McGinnis le premier qui a été créé. Maintenant dans Future End c'est celui de l'univers New 52, ouais. ouais, de Earth Zero quoi. Maintenant, ouais, ça n'a rien à voir, c'est juste pour introduire, comme ça les gens connaissent le personnage qu'ils ont sorti ça, je pense, plus qu'autre chose, parce que celui qui va courir dans Future End n'aura strictement rien à voir avec cette Ouais, histoire-là. surtout que dans Futures End, tu le vois sur 3 numéros, après il dégage et il revient sur 2 pages tous les 6 numéros à peu près, donc. D'ailleurs, en plus, on s'en rend compte, vu que le Terry McGinnis qui est présent dans Batman Beyond ici, travaille avec un Bruce Wayne qui a genre 90 ans, qui s'est presque plus marché, alors que dans Future End, ben, le Batman, il est encore Batman, donc ils sont deux Batman à l'époque. Ouais, bien sûr. Il y a le vieux Batman et le nouveau. Non, c'est une bonne lecture, c'est agréable. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais vu la série animée, vous pouvez toujours tenter le coup. Je sais pas si ça aura le même effet sur vous, je ne saurais pas dire, vu que moi, c'est surtout parce que j'étais fan de la série d'époque et de l'univers de Bruce Timm que j'ai aussi bien kiffé. Maintenant, ouais, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. Ce serait une série en 3 tomes, donc il n'y aura pas plus de 3 tomes. Le D'accord. prochain sortira, bon, en fait, on ne sait pas encore. Je pense que c'est, si on le sait, c'est en septembre, je crois, et le tome 3, on sait pas encore. D'accord. Après, je vais Ok. passer encore, je vais clôturer avec du Batman, comme ça on n'entendra plus par un truc que je trouvais quand même bien pourri. Je sais pas si vous avez déjà lu à l'époque, c'était la résurrection de Ra's al Ghul. Ah, Ça c'est nul, ouais. se passe un peu après, ça se passe entre le tome 2 et 3, si je dis pas de conneries, de Grant Morrison présente Batman. En gros, le pitch de base, bah, c'est Ra's al Ghul, il était mort, mais il a réussi à transférer sa conscience dans un corps, mais le corps, il meurt, et le seul moyen qu'il a, c'est d'avoir un corps de son sang. Donc il se dit, bah, je vais prendre possession du corps de mon petit-fils pour devenir un nouveau Ra's al Ghul plus jeune. Là-dessus, Damian, il se chie dans son froc, alors il va voir son papounet Batman. Et voilà, en fait, c'est je sais plus combien de pages, 312 pages Oh putain. De je vais de Damien va-t-il être pris possession de Ra's al Ghul? Ra's al Ghul est-il trop méchant? Puis voilà, c'est très long, c'est très nul. Franchement, c'est carrément indispensable. Je ne comprends même pas qu'ils aient sorti ça. Moi, j'ai pris en me disant ça peut aller, tu vois. Il y avait du Damien, il y avait du Grant Morrison dessus, il y avait du Ra's al Ghul, du Batman. Je me dis ça peut être une bonne histoire, mais en fait, pas du tout. C'est Donc très chiant. c'est dispensable quoi, faut pas Oh l'acheter. putain, ouais, c'est même hyper dispensable, c'est même pas du tout utile. Ouais, franchement, non. C'est pas du tout. Allez, à la limite, le seul truc bien qu'on voit, c'est qu'on voit un peu plus de Tim Drake en Robin, mais à part ça, franchement, il n'y a vraiment rien d'intéressant. En plus, c'est tous des numéros de dessinateurs différents. Si tu comprends même pas pourquoi, tu as même du mal à te situer dans la timeline, vu que tu as Damien qui est avec sa mère, alors qu'ils te disent qu'ils sont entre le tome 2 et 3, alors que Damien est censé être avec son père. Puis tu as Damien qui porte le costume de Robin, mais il n'est pas Robin, tu comprends pas trop pourquoi. Enfin, soit. Ouais, franchement, ne l'achetez pas en fait. Lisez le résumé sur internet, ce sera bien mieux pour tout le monde. Puis t'as même une mini-histoire avec une cote de maille de Batman, que Batman il a tué, quand il l'a, il pète les plombs. Enfin, j'ai pas compris, c'était trop bidon, ouais, franchement, non. Lisez ça sur internet. N'achetez surtout pas ça je sais plus combien ça coûte, mais c'est de l'UB30, mais n'achetez pas ça. C'est nul. Ok. On va poursuivre sur Flash, donc Flash tome 2. Ouais, ça c'est bien mieux. Ouais, ça s'améliore hein, par rapport au Flash Thorn 1. Ouais, franchement, ça s'améliore beaucoup. Là, on est dans les Lascars. C'est pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, Manapool, toujours dedans, toujours magnifique. Donc, là, on a du. Donc, comme je disais, on a du Delastia, on a du Maître des Miroirs, du Heatwave, du Captain Cold, du. Putain, comment il s'appelle encore Il y lui? a Grodd aussi, non? Monsieur Météor, ouais, mais Grodd, il est sur une page, donc j'en parle pas trop. Ouais, D'accord. y a Grodd, c'est vrai, y a Grodd au tout début, on voit un tout petit peu Grodd. Sur la Donc, couverture. non, non, on le voit dans la première issue du truc, vu que si vous vous souvenez à la fin du tome 1, bah, Barry se retrouve donc dans la cité de Grodd. Donc là-dessus, il y a une rapide altercation, mais ça dure 3 minutes. Après, Flash, il revient à Central City. Là-dessus, il y a tout l'arc avec les Les Oulala, rogues. j'ai du mal. Ouais, les rogues, donc on en prend un par un, surtout. Il y a une scène d'ailleurs qui me fait bien penser à Flash, la série TV, vu que c'est Flash, il a arrêté les deux, Captain Cold et Heatwave, ils sont tous les deux dans un fourgon, ils parlent et ça, ils râlent parce qu'ils sont fait choper, puis t'as un truc qui bouge, ils se font libérer, puis t'as Captain Cold qui fait genre, ah ben c'est Lisa, c'est ma sœur. C'est exactement la même scène, quand vous regardez la scène, vous la lisez, c'est la même chose que dans Flash, quand ils se font libérer. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Il y a le flûtiste aussi qui vient. Qui débarque, ouais, il y a une belle galerie de vilains, franchement, il est bien bien mieux que le premier. Il y a le Trickster aussi. Trickster. Tricksters. Sinon, ouais, ben voilà, il y a le Do Classeur. Et alors, tout à la fin, on a Grodd qui débarque, ce sera Ouais, là la par suite contre ça va être de tome super 3. chiant. L'arc sur Grodd, il est super chiant quoi. Le tome 3, donc il y a le roi Grodd qui débarque. Par contre, le truc que j'ai pas trop bien compris, c'est pourquoi. Donc, on finit sur le Grodd qui débarque, ok, il s'arrête là, je comprends, pour faire du teasing, mais après, il nous tape le tome 0. De Flash, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas mis dans le numéro 1 en fait celui-là. Bah parce qu'à l'époque ils avaient fait pareil quand tout là ils auraient pu le faire vu que c'est sorti longtemps après Ouais, c'est sorti bien après. Je sais pourquoi ils ont. mais à À l'époque l'époque, ouais, ils ont ils fait avaient ça, fait mais comme là, ça ils auraient pu. Là, c'est pas du tout utile vu que c'est carrément. Là, c'est vraiment l'origin story. Donc, t'as vraiment l'origin story de Flash. Donc, comment il a ses pouvoirs. bon, on va dire qu'ils ont voulu garder une cohésion avec toutes les autres séries et mettre les zéros dans les tomes 2 comme ils ont fait sur toutes les autres séries mais c'est vrai que ça aurait pu très bien Ouais. être dans le tome 1 quoi. Ils ne l'ont pas fait sur toutes les séries, puisque si tu regardes sur S2, bah, ils ont mis le numéro 0 dans le tome 0, dans le tome 1. Ah bah là ils ont C'était changé. plus cohérent, c'était juste. J'ai Ouais. pas compris, je pense que c'était surtout pour remplir le tome de façon. Pour copier sur la version US TPB, ouais. pour remplir le Ouais. tome comme il fallait. Faire Mais un j'ai pas arc, trouvé ça. Voilà. conclure sur un arc et pas sur une moitié d'arc en fait peut-être. Voilà. Et c'est pour une pagination cohérente, mais bon, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. C'était bien et tout, mais je l'aurais pas mis là, quoi, moi personnellement. Moi Parce que c'était un peu. le seul défaut du truc moi je trouve c'est les dessinateurs. Il n'y a pas tout le temps Manapool. Donc on a du Marcus Tau, je crois, ou Takara, un des deux, je sais plus. Et les dessins, ouais, c'est. Bah, quand tu quittes Manapool, pour eux, ça fait. Ils Ouais, ont t'as pas le raison. niveau, ça fait pas le figure, c'est pas le même style. Et le style de Manapool et la colorisation de Buccellato, même si je crois que Buccellato, il est toujours à la colorisation, mais je suis pas sûr. Non, peut-être pas, ouais. Ben, du Non, mais coup, ouais, c'est ça va pas, quoi. Ça va pas c'est du pas tout. non plus sur beaucoup de numéros, c'est sur un numéro et un demi, je crois. Non, il y a au moins deux Deux numéros, je crois. numéros. Hein. Attends, je regarde. Ouais, t'as deux numéros. Sur Mais c'est 6. pas non plus. Enfin, moi, ça m'a pas non plus overchoqué dans. C'est vrai que ça change, c'est pas aussi beau, mais ils sont pas non plus dégueulasses comme. C'est pas aussi choquant que dans Batman Eternal, je trouve, par exemple. Parce que les dessinateurs qu'ils ont pris, ils sont pas non plus dégueulasses. C'est vrai que c'est moins beau Ah mais que du Manapool, mais c'est pas non plus horrible, quoi. moi ça m'avait choqué. Manapool, il est tellement excellent que ça m'avait mis une gifle quoi. Quand j'étais tombé sur ça, j'étais assez dégoûté quoi. Mais sinon, ouais, il est bien, il est mieux que le 1. Il sera mieux que le 3 aussi sûrement. Ouais, bah moi ça m'avait pas trop dérangé la cité des gorilles, mais c'est vrai que j'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas trop apprécié ce. Mais après, faut voir. Moi, les gorilles, je les ai lus en VO mois après mois. Donc, ça a duré 4 ou 5 épisodes. Ça tourne en rond. C'est sûr qu'en TP, ça peut être vite réglé. Hein. Ça peut être mieux. Hein. C'est fort possible que ça passe mieux en TP. Hein. En tout Ouais. cas, je pense que Duran, le meilleur arc, c'est l'arc sur River Smash. Ouais, ça viendra après, bien après. C'est après les Bah, gorilles en fait. le quatrième tome, hein, le dernier. Ouais. À l'épisode 25, je crois que ça se termine. Ouais, et alors on va conclure cette heure et demie de review VF par Wonder Woman tome 5. Ça va être rapide parce qu'en fait ça a pas beaucoup changé niveau scénario, dessin, etc. C'est la continuité, donc c'est toujours Diana et son groupe d'amis-dieux qui combattent d'autres dieux pour la survie d'un enfant et d'elle-même. Donc moi j'aime toujours bien parce que j'aime bien les dessins, j'aime bien l'histoire, etc. Sur niveau mythologie, etc. Mais sinon il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est le combat donc de dieux entre dieux et voilà, c'est vraiment une continuité, c'est un super gros arc qui dure depuis 5 tomes, comme je l'avais déjà dit dans le tome 4 en fait. On n'a plus qu'un tome, donc ça conclura le travail de Azzarello Ouais, c'est ça en fait. Au lieu d'avoir sur Flash, il y a un run de 25 numéros avec, on va dire, 4 arcs principaux. Sur Wonder Woman, c'est un arc qui dure un run en fin de compte. Ouais, voilà, donc l'arc et le run, c'est la même chose. Ouais. Maintenant, c'est pas plus mal. Ça dépend. C'est vrai que ça devient un peu longuet, mais je veux dire, l'histoire est bien ficelée. Le truc, j'apprécie bien l'histoire, etc. Donc, j'ai hâte de voir la conclusion dans le tome prochain. Et après, je ne sais pas si Urban va continuer ou pas, ou rebooter le truc, ou arrêter de le diffuser, mais ça commencera avec les Finch, mari et femme, qui reprendront Super Wonder Woman. J'ai pas encore lu, mais on en parlera d'ici Ouais, c'était quelques pas trop mois. mal, moi. J'en avais lu 3-4. C'était pas la merde que tout le monde disait, quoi. C'était Mais sympa, quoi. sinon, C'était un autre les gens style. qui ont commencé sur Wonder Woman, bah, continuez. Si vous ne l'avez pas encore commencé, bah, je vous le conseille parce que c'est une très bonne série sur Wonder Woman, je trouve. Très bon arc et l'histoire est vraiment pas mal. Ça se laisse bien lire et c'est intéressant. Sauf si vous aimez bien la mythologie. Bon, maintenant, évidemment, c'est la mythologie où ça vous trouvez ça trop à chier. Wonder Woman, vous n'aimez pas, bah, l'achetez pas, mais. Faut... Voilà. Sinon, ouais, c'est vrai que c'est. Moi, je suis aux deux toujours, j'ai toujours pas continué. Mais N'aime pas? hein? Tu n'aimes pas? Ah si si je kiffe mais là j'ai pas de sous donc je suis à la bourre sur un tas de trucs donc je suis au tome 2 là je l'avais fini c'est toujours aussi bien mais bon voilà j'ai pas de thune donc je reprendrai un de ces jours quoi. Là je suis à la bourre sur un tas de trucs hein. Bah, je t'ai dit le Flash tome 2 je l'ai pas encore acheté je suis à la Earth 2 putain je vais y arriver je l'avais lu mais je l'ai pas encore acheté Injustice ouais je suis à la bourre sur toutes les séries là c'est abusé c'est un truc de fou. Ok, bon ben on va passer au review VO. Bon, on va laisser un peu la parole à Spectra s'il est toujours vivant. Oui, Spectra. je suis toujours vivant. Ok. Alors, Convergence, t'as lu les 4 derniers? Ben, j'ai tout lu, hein. Ok, bon on va parler principalement de la fin en fin de compte, parce que vas-y, on te laisse nous résume-nous un peu la fin, les derniers épisodes. Ouais, alors finalement, du coup, on s'aperçoit que Telos n'est pas réellement le vrai méchant de l'histoire. Finalement, c'est Deimos. Qui maîtrise un peu les surpuissants dans tout le multivers. Ça va spoiler, hein. Finalement, Deimos fait bien éclater la tronche par le Green Lantern Parallax. Et du coup, c'était bizarre, hein, Convergence 8 quand même. Donc, par le pouvoir de l'amour et des câlins, tout est réglé. Et on a le nouveau statu quo de l'univers DC. Qui est la seule chose positive, à mon sens, à retenir de convergence. Ouais, donc qui est en fin de compte que toutes les continuités précédentes, enfin à partir de maintenant, enfin elles existent toujours, et donc les prochains auteurs ils pourront piocher donc dans le multiverse, dans les précédentes continuités, Flashpoint, Crisis Infinite Earth et compagnie là, et donc ils pourront faire des histoires tranquillement sans être emmerdés par personne. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça, c'est bien, ça prend le contre-pied de Marvel aussi, qui réunit tout dans une continuité en ce moment. Après, Convergence 8, en fait, donc il libère, comment il s'appelle, Brainiac. Et Brainiac en a un peu ras-le-bol de son statut actuel, et finalement, il consent à renvoyer tout le monde dans leurs dimensions respectives, à condition que certains commettent les sacrifices. Qu'ils avaient déjà fait lors des précédents events, normalement pendant la première crisis. D'accord. C'était un event qui était quand même pas terrible, hein, Convergence. Moi, j'avais arrêté aux 3, les bastons, machin et tout. En plus, comme j'avais dit, moi, je voulais pas avoir du Earth 2 dans la série, quoi. À partir de là, se les taper sur 8 numéros, ça m'a. Voilà, j'ai craqué. J'ai lu le 0, l'1, le 2 et peut-être le 3. Et voilà, des bastons toutes les 5 minutes. Ah, il est mort, ah non, il est pas mort, ah, il est mort, ah non, il est pas mort. Ça m'a pris la tête. Voilà, le seul truc, comme tu dis, c'est que voilà, ça. Et maintenant, il y aura encore plus de richesse dans l'univers DC. Le seul truc, c'est que à l'époque, c'était déjà comme ça chez DC, avant les New 52. Ils ont justement arrêté, parce que les ventes, elles se cassaient la gueule. Les gens, le lecteur lambda, il était perdu. Alors, à voir si ça va durer longtemps ou s'ils vont encore faire marche arrière et revenir encore au statu quo New 52. Parce que c'est vrai que les gens, là, ils risquent d'être assez paumés quand même. Bah Bon, ça. attends, ils ont fait ce statu quo là, c'est pas pour ça qu'ils vont le faire. Donc c'est juste, je pense que Si, c'est si, juste moi pour qu'il y ait. j'ai vu un truc là, il disait Ouais, d'idiot là. ils peuvent le faire, mais pour le moment ils le font pas, donc. Non, mais c'est pas ça ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire à coup sûr, c'est que dans toutes les séries que tu auras, tu prends Superman par exemple, ben, tu auras un épisode ou un arc, où pendant 3 numéros, tu auras des personnages d'une autre dimension qui vont venir. Des petits arcs comme ça en fait. des Toi, ça va arcs être trop bidon. autosuffisants, et puis voilà, basta quoi. C'est ça qu'ils vont faire. Ça, c'est sûr et Putain, certain. ça. C'est ça Moi, je qu'ils vont voyais faire. plus ça dans le sens où ils avaient de la place pour faire. Du coup, ça donne un endroit pour faire des mini, des maxi Oui, mais avec des pour. équipes créatives de Franchement, ouf, quoi. s'ils Oui, font ce que bon. tu dis, c'est trop bidon. Moi, j'étais plus. Moi, j'avais compris la même chose que Spectra, qu'ils allaient pouvoir faire des mini ou des séries ou quoi sur les anciens trucs, mais je trouvais ça trop bidon dans Superman, genre. À la continuité actuelle, il y a trois numéros qui se passent sur une terre alternative où Non, mais ils à pourront rien à faire, voir. ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça que je veux dire. Ils pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ouais, mais ils peuvent toujours faire tout ce qu'ils veulent, c'est eux les créatifs. Oui, non, C'est mais pas. maintenant, parce que jusqu'à maintenant, ils pouvaient pas, ils étaient bloqués. Et là, ils disaient que maintenant, voilà, les mecs, ils ont les clés, ils font tout ce qu'ils veulent, en fait. Tu disais, Vince, que tu pensais pas qu'ils allaient. Mais là, oui, moi, je pense que maintenant, ouais, voilà, ils disaient, ils servaient de ça, là, ils vont essayer d'attirer. Enfin, ça pourrait attirer des nouveaux scénaristes et compagnie. Parce qu'ils pourront, voilà, ils seront plus libres qu'avant, quoi. Avant, voilà, il y avait une sorte de continuité. Et là, du coup, ben, il y aura des continuités, je pense, mais qui seront autocontenues dans chaque titre, quoi. C'est-à-dire que si Green Lantern il est malade dans son titre, eh ben, on pourra le voir dans la Justice League, par exemple. Ça, ils le font déjà. Batman, il est mort. Pourtant, tu le vois dans la Justice League. Green Lantern, il est renégat. Tu le vois dans la Justice League aussi. Donc, Ouais, ben voilà, ben là, apparemment, ben, ils vont s'en affranchir et faire ça pour absolument tout, quoi. Alors qu'avant, c'était quand même assez centré sur les titres principaux, en quelque sorte. Ils sont peut-être rendus compte que, comme tu dis, Batman et Justice League, eux, ils en ont rien à foutre du reste et ils font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils vont faire ce schéma-là sur tous les titres, pour que chaque titre puisse être lu indépendamment et que chaque auteur puisse se faire plaisir en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, voilà, est-ce que ça va pas perdre les gens? Après, voilà, c'est pas dit aussi qu'ils nous balancent 5 nouvelles séries Batman sur 5 terres différentes. Hein. Ça, malheureusement, on peut pas savoir. Hein. Bah toi, Vinch, ton avis sur l'event? Pourri, pourri ou pourri? Non, c'était super bien, j'ai vraiment trop kiffé. Chaque semaine, c'était un moment de lecture de folie pour moi. J'ai vraiment trop apprécié cet event, c'était un truc magique. Revoir Ouais. toutes ces anciennes continuités, ça m'a fait trop plaisir. Ça faisait tellement longtemps qu'il me manquait. Ouais. Sinon, ouais, non, la fin, j'ai trouvé ça. J'étais un peu déçu parce que déjà, Brainiac qui à la fin se met genre, j'en ai trop marre d'être méchant, je veux être gentil, bah ok, putain, qui s'assume jusqu'au bout, je sais pas. Mais c'est mignon quand Telos lui donne la main et tout. Ouais, non, franchement, laisse tomber. Brainiac, c'était inultis comme l'un des plus gros méchants et tout, qui va tous les dégommer. Le mec qui a volé toutes les continuités, et à la fin, le mec, non, pardon, je vais être gentil, aimez-moi. Telos ou Brignac? Non, Brainiac, c'est ça le pire, c'est Brainiac, quoi. C'est D'accord. Brainiac, quoi, le Brainiac, le mec qui, depuis je sais pas combien d'années, bah, c'est le mec super badass, mais là, non, il pleure et tout. Presque, alors. Sinon, ouais, en fait, j'ai remarqué que c'était surtout aussi l'event, en fait, à la fin, il sert juste à donner une nouvelle terre à Erstou. Donc c'était vraiment, c'était limite ils auraient pu rebaptiser l'event Convergence 2.R2. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est bien que les anciennes continuités existent toujours s'ils veulent en faire des mini. Non, j'espère qu'ils vont pas commencer à faire ce que toi tu dis, de nous pondre des arcs entre deux arcs de la continuité actuelle qui vont nous pondre des arcs, ce qui se passe sur Earth, je sais pas moi, 226 avec des personnages à rien à voir. Maintenant qu'ils nous fassent des mini, etc. sur les. Hein, sur des séries des terres parallèles du multivers, bah, je trouvais ça cool, mais. Ouais, ça c'est possible aussi, hein, vu qu'apparemment là ils semblent se lancer dans pas mal de mini là. Au lieu d'animer Genre, des séries au bout de 5 Batmite, numéros, etc., apparemment ils. ça a l'air cool, quoi. Qui? Batmite. Ah bon? Ah ok. Non, non, mais. Ouais, je sais pas. Ouais. Ah ouais, non, mais après, ouais, vu que là ils balancent plein de mini-séries, peut-être qu'ils vont tenter ça. Hein. Ça peut marcher, plein de petites mini sur des univers d'avant, Bah ça moi, peut cartonner, ouais. perso, je préfère des mini-séries annoncées qui vont durer, C'est je sais pas ça. moi, 6-7 numéros ou un truc comme ça, et qui sont vraiment bien condensés. Et peut-être, si le truc il est vraiment bien, qu'il lance une ongoing, plutôt que faire des nouvelles séries qui te balancent et qui sont pourries, qu'après 6 numéros, bah, ils arrêtent et que t'ailles jamais de suite et que ça ressemble à Ouais, et rien, puis quoi. que les fins sont faites à l'arrache. C'est vrai que c'est Ouais, mieux d'avoir voilà. une mini qui est calculée en temps et en heure sur tant de numéros. Et c'est vrai qu'après, oui, s'ils font des mini sur la précédente continuité, oui, ça peut cartonner aussi, c'est clair. Oui, ils pourraient faire ça aussi. Les séries régulières sur ce qui est le futur du New 52, en quelque sorte, vu que le New 52 c'est fini. Et Ouais. faire plaisir aux anciens lecteurs sur des mini, ouais. Ça, c'est vrai que Bah, ça pourrait être pas mal je pense aussi, que ouais. ce serait le plus cohérent parce que comme ça, Ouais. les nouveaux lecteurs ils seraient pas perdus. Parce que moi, perso, c'est parce que maintenant je suis dedans, mais genre je débarque, je lis mon numéro de Batman actuel. Je prends Batman, ce qui est le plus connu, hein, mais je lis mon numéro de Batman normal, donc je vois Bruce Wayne, même actuel et tout. Puis je prends le numéro du mois prochain et je vois le mec qui a nouveau son slip par-dessus de son froc qui se bat contre, je sais pas moi, un ennemi qui est censé être mort 6 numéros avant. Bah, je trouvais ça chelou, tu vois. Alors que si une Ouais, bien sûr. mini-série, bah, Ouais, c'est vrai, t'as tu sais à raison. quoi t'attendre, quoi, tu vois. C'est vrai, t'as Voilà, moi, ça raison. ferait Tout plaisir aux Batman en anciens et plus, tout. là. Non, mais t'as raison, Vince. Comme quoi, tu dis pas que des conneries. Ouais, t'as raison, t'as raison. Je suis assez Ouais, d'accord avec toi. je suis Ah, mais il faut d'accord une heure et avec demie d'émission avant qu'ils disent un truc sensé, quand toi. même. C'est vrai que c'est un long combat, quand même. Ouais. On n'avait pas mon. Bon, on va continuer. Bon, bah, Vince, hein, parce que c'est toi la star du numéro aujourd'hui. Donc, vas-y, Batman et Robin, hein, numéro 2, Ouais, Convergence. Batman et Robin numéro 2. Donc là, donc ça suit la continuité du numéro 1 qui lui suit le run qui avait été fait de Morrison. Enfin, pas de Morrison justement, qui suivait le run de Batman et Robin de Morrison à l'époque, donc avant Flashpoint. Donc là, donc, on retrouve toujours donc Jason Todd en Red Hood, mais le Red Hood avant New 52, je précise. Donc Damian et Batman qui sait pas. J'ai oublié, c'est pas bon. Si, c'est Bruce. C'est Bruce. Et donc, le sidekick de Red Hood, qui est. J'oublie son nom, celle qui ressemble à la fiche Joker, mais bon. Donc là-bas, bah, ils combattent et tout. L'événement global, c'est un peu de la merde. C'est comme d'habitude, les mecs, ils se battent contre une autre ville parce qu'il faut qu'ils sauvent Gotham, tout ça. Mais sinon, le truc que j'ai bien aimé, c'est la relation entre Damian, Red Hood et Bruce. Et ça rappelle un peu ce qui se passait avant et que je trouve dommage qu'ils avaient arrêté. Mais sinon, ouais, c'est pas terrible, c'est toujours la même chose. Il faut sauver la ville, il faut que l'autre ville nous envahisse pas, tout ça. Donc, Ah, voilà. c'est pas terrible. Ok. Ouais, mais moi, pour moi, il n'y a aucun numéro qui se démarque l'un de l'autre. C'est la relation des personnages qui est intéressante. Maintenant, autre ça, ben, l'event en lui-même, c'est toujours la même chose. C'est vraiment le même schéma. C'est Il ça. n'y a rien qui change, quoi. Bon, on va passer à Speed Force 2, donc scénario Tony Bédard, dessin Tom Grummet. Donc là, on suit donc Wally avec ses enfants, donc pareil, qui vont se livrer bataille contre Wonder Woman. Alors, tant de mémoire, parce que ce numéro, il était assez pourri. Donc, ouais, pendant tout le numéro, il doit affronter Wonder Woman. Donc, il y a une espèce de tortue ninja ultra rapide qui va mettre les enfants de Wally en sécurité. Wally, il va se battre avec Wonder Woman, il va galérer. Et puis, en fin de compte, à la fin, il y a les enfants qui viennent l'aider. Et du coup, ben voilà, ils ont gagné et Wonder Woman s'enfuit. Voilà le numéro résumé. Donc, voilà, c'est pourri, quoi. Enfin, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Si vous avez acheté le 1, achetez le 2, mais si vous n'avez pas acheté le 1, n'achetez même pas cette mini parce que franchement, autant le premier numéro était sympa, mais là, ouais, c'est comme tu disais quoi, de la baston qui sert à rien. Donc moi, je passais ce numéro, c'est ça vaut pas le coup. Ensuite, on retrouve Vinch pour Green Lantern Parallax numéro 2, c'est ça? Ouais, bah là, donc on a Parallax qui donc débarque sur la Terre, sur la ville ennemie. Lui, je sais pas, vu que c'est un méchant, il bute tout le monde, en fait, carrément, il a rien à foutre. Il dégomme tout le monde. Après, bah, Kyle Rayner, si je me souviens bien, ouais, il a un rôle carrément secondaire. Il fait genre, oh mon Dieu, Parallax, il est trop méchant à cause de moi, j'aurais dû le buter avant, tout ça. Bon, Parallax, après, il dégage Kyle Rayner, ni vu ni connu, et il se barre rejoindre Convergence normale. C'était pas super intéressant non plus, le seul truc c'est ouais, en fait non, c'était bidon, le mec il tue, c'est juste bien ce qui tue les mecs, avec lui il y a moins de chichi, tu vois, il chipote pas, est-ce que je dois me battre, est-ce que je dois pas me battre, les gens ils l'emmerdent, ils les butent. Maintenant c'est, on va dire que c'est un peu un, ces deux numéros là sont un peu un préquel de la suite de Convergence 4, je pense, 5, 4 ou 5, je sais plus, mais vu que Convergence de base c'est déjà pourri, alors là c'est pareil quoi, t'es juste content de revoir le Hal Jordan Parallax, mais c'est tout. Bah, je crois que les meilleurs, on les a pas lus. Hein. Les meilleurs, je crois, de ces minis, c'est The Question. Ça, il paraît que c'est bien. Et Ouais, Booster j'ai pas. Gold et Blue Beetle. Bah, Booster Girl et Blue Beetle, je les ai lus, moi. Mais Et seulement les Justice numéros. League aussi. Bah, bon, on va passer à toi, Spectra. Je parle un petit peu. Shadow of the Bat 2. Shadow of the Bat, numéro 2, donc, qui était plutôt nul. Donc en fait, j'avais adoré le premier numéro, je trouvais que ça faisait partie des bons numéros de l'event Convergence, parce que justement l'histoire était assez indépendante par rapport au Battle Royale. Hein. Et là, bah, du coup, c'est pas du tout le cas en fait. Et puis on perd Philippe Tan au dessin pour Rick Leonardi, qui est quand même bien moins percutant. Donc là, en fait, c'est Azrael et Batman qui affronte des mecs de Wildstorm, et puis voilà. Ah ouais, des mecs de Wildstorm. Ah putain, Ouais. ça aurait été sympa, j'aurais dû le regarder celui-là. Du premier univers Wildstorm, si j'ai bien tout suivi, mais enfin des gros bourrins avec des fins, quoi. C'est pas. Ouais, c'est ça, c'est Il y a aucun. Wildstorm. C'est. Ouais, non, franchement, alors ils finissent par s'allier, et puis voilà. C'est qui, c'est les Wildcats? Non? Non, je crois pas que ce soit les Wildcats. Il y a Grifter hein, dans les Wildcats, non? C'est ça, ouais. Ouais, non, non, non, ça c'est. Non, on dirait des mecs de. Ouais, on dirait des espèces de Rambo et tout. Ah ouais, bon, alors je vois pas qui c'est. C'est pas Gen 13 non plus, non? Gen 13, non, je crois pas. Non, je regarderai, moi, t'embête pas, je regarderai. Ouais, donc c'est pas terrible, quoi. Non, c'était naze. Ok. Alors, par contre, le premier, je le conseille. Le premier, achetez-le, hein, puis il se suffit à lui-même, hein, il peut se lire comme un one-shot, il n'y a pas de souci. D'accord. Ensuite, donc Flash 2, donc c'est pour moi, donc scénario Dan Abnett, dessin Federico Dall'Occhio. Donc là, le premier numéro de cette série là avec Barry Allen était vraiment pas terrible. Le deuxième est bien meilleur. Donc il se retrouve lui, il doit se battre avec Superman de Earth 9. Et donc bon, alors on a droit à la petite baston parce qu'il y a un petit malentendu comme d'habitude. Donc ça c'est pourri, donc ça se frappe, ça se frappe, ça se frappe, ça sert à rien. Par contre, il y a pas mal de discussions et là c'est intéressant. J'ai pas fini Convergence, donc je sais pas si Flash il a un lien important après ou pas dans Convergence. Les speedsters, ouais, ils sont importants. Voilà. Parce que là voilà, il lui dit qu'en gros lui il est pas comme les autres, il appartient pas à ces mondes-là, il est interdimensionnel ou j'en sais rien quoi. Et donc il lui dit que voilà, en gros voilà, il est pas comme tout le monde, il est au-dessus des autres. Et donc finalement ben, il se laisse il laisse Flash gagner en fin de compte. Parce que voilà, il dit que si jamais il tue Flash, ça, il va tuer le monde, le multivers et compagnie. Donc il laisse Flash gagner à la fin de l'épisode. Voilà. Donc c'est intéressant pour ça. Après, sinon, ouais, c'est un numéro sympathique, mais voilà, c'est pareil. C'est pas une mini-série que je conseille, quoi. À moins d'être vraiment fan, mais sinon, vous allez perdre votre argent, quoi. Voilà pour Flash 2. Ensuite, on poursuit donc ces titres excellents avec Justice League International 2, Vinch. Non, avec Green Lantern 2, d'abord. Donc Green Lantern 2, bah, moi j'ai bien aimé parce qu'on Mais voit. attends, c'était pas Green Lantern Parallax? Non, c'était Green Lantern Parallax, c'est un autre. Il y en a deux en fait, t'as Green Lantern Parallax, puis t'as Green Lantern tome 2. En fait, c'est pas les mêmes, il y a Parallax et Green Lantern 2, D'accord, ok. c'est le corps des Green Lanterns. Donc t'as Hal Jordan, t'as John Stewart, et puis t'as surtout la star pour moi du numéro, c'est Guy Garner. Donc là, D'accord. tu le vois. Donc en gros, ça se finissait. Hal Jordan, il dégage Guy Garner, il fait non, c'est moi Green Lantern, je vais sauver le monde, machin. Il va se battre tout seul. Là-dessus, Guy Garner, bah, fidèle lui-même, il se fait. Moi, j'ai peut-être pas d'anneau, mais je m'en fous, je m'en bats les couilles. Il prend une moto, il se fait une mini armure, et il est bien badass, il va combattre et tout. Ouais, donc le, bah, le. Je parle pas du truc global parce que c'est toujours la même chose, ils se battent tout ça. Maintenant, Guy Garner, il était bien badass, franchement. Je sais pas si vous l'aimez bien, moi j'ai toujours kiffé ce personnage. Même sans anneau, en fait, le gars, bah, il dépop pas mal. Franchement, il a une classe folle. Et c'est ce qui suffit vraiment dans le numéro, c'est vraiment ces trois protagonistes, puis la relation conflictuelle qu'il y a et qu'il y a toujours eu entre Hal Jordan et Guy Garner. Puis ça se finit sur une bonne note à la fin, ils sont tous les trois dans le corps des Green Lanternes, de nouveau. Et ils décident d'aller voguer dans leur propre vie. Donc ouais, j'ai plutôt bien apprécié le numéro pour ce qu'il est avec la relation des personnages et de leur caractérisation. Maintenant, niveau convergence, c'est toujours pourri quoi. Mais sinon, ouais, le numéro, si vous aimez bien les Green Lanternes et surtout Guy Garner, bah, je vous le conseille. D'accord, pour les Et fans alors. Justice International, je ne vais pas en dire grand-chose, que ça rejoint ce qui a déjà été dit, c'est pas terrible, c'est pas utile, c'est deux clans qui se battent, et voilà. C'est juste cool de revoir des anciens personnages de l'ancienne GLI, mais sinon, c'est vraiment pas utile, c'est vraiment hyper dispensable. C'est juste si vous êtes hyper fan de l'ancienne Justice League International et que vous aimez bien voir les personnages se bastonner entre eux, bah, allez-y, mais sinon, niveau scénario, ça tient sur un post-it, quoi. D'accord, ok. Bon, alors on va laisser tomber Convergence, et c'est cool. On va passer donc à la suite à Divergence, donc le FCBD. Donc en fait, il est divisé en trois parties. Une partie sur Batman, une partie sur Justice League et une autre sur Superman. Je vais vous laisser parler de Batman, parce que moi je l'ai lu, mais bon, vu que je suis pas le titre, vous Ouais. l'avez lu, le Batman de Divergence? Qui c'est qui l'a Ouais, lu? je les Vas-y, ai Vince. tous lus. Ouais, donc là, on se retrouve avec donc le nouveau statu quo. Donc Batman est mort, Batman nous a laissé. Ça reprend directement suite à la fin du Batman 40. Donc on voit même la même image, etc. Donc ouais, Batman est décédé, il nous a laissé seul, etc. Heureusement, il a tué le Joker avec lui. Si je ne l'avais pas dit, ça serait pas la mort, bien sûr. C'est assez un peu tard. Donc là-dessus, bah, il y a Powers qui se retrouve d'ailleurs, qui est une création aussi d'ailleurs de Batman Beyond, donc qui a repris Wayne Tech, tout ça, et qui se dit, bah ouais, on va pas laisser une ville sans Batman, donc C'est une on va. entreprise, hein, faut le dire. Ouais. Power, c'est une Ouais, entreprise. Powers, Ouais. c'est l'entreprise, mais ça vient de Batman Beyond en fait, cette entreprise-là à la base. Mais c'est pour ça que je. Ouais, donc c'est l'entreprise qui a repris tout et qui décide, ben voilà, on va pas laisser une ville sans Batman, donc on va créer notre Batman. Et là-dessus, donc méga spoil si vous n'étiez pas encore au courant, ou vivez dans une grotte, donc c'est l'ancien commissaire Jim Gordon qui s'est réentraîné, qui s'est rasé la tête, on sait pas trop pourquoi, et qui est dans le Batman Rabbits. Donc c'est une espèce d'armure qui ressemble à tout sauf Batman. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il a un logo Batman sur le torse. Et donc ça se finit par allez, je peux aller tester ma Batmobile dans Gotham, et voilà. Donc ça, c'est beau parce que c'est Capullo, mais sinon, l'histoire, elle me donne pas envie, quoi. Enfin, je sais pas, je suis resté un peu de marre devant ce mec qui ressemble à un lapin géant avec une chauve-souris tatouée sur le torse, qui était avant le commissaire Gordon, bon, qui faisait... Moi, l'armure, elle me gêne pas. Le seul truc, peut-être, c'est que peut-être qu'ils auraient pas dû mettre Gordon et mettre un autre mec à la place, en fait. Parce que Gordon, comment dire, en tant que super-héros, il est charismatique en tant que policier, mais en tant que super-héros, je trouve pas qu'il soit... Déjà, ce que je trouve dommage, c'est qu'il a fort changé physiquement. On a l'impression de retrouver le Gordon. Il a l'air plus jeune que dans Zero Year, presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, c'est le même, quoi. En plus, c'est le même dessinateur, je trouve ça un peu bizarre. Et moi, l'armure, je la trouve pas badass, quoi. Tu vois, enfin, je la trouve pas belle, mais ça, à la limite, on s'en fout, mais je la trouve pas trop badass et tout. Tu vois, je trouve ça un peu bizarre le choix qu'ils ont fait de cette armure. Maintenant, faut voir comment ça va évoluer, mais apparemment, ils ont l'air de l'assumer vu qu'il se retrouve dans toutes les séries post-convergence. Ouais, moi, l'armure, j'aime bien, ça va, mais ouais, le seul truc, c'est. Ils auraient dû mettre un autre mec en dessous, quoi. Mettre Damian ou un autre mec à la place, quoi. Ça aurait été cool. Gordon, je le vois pas en super-héros. Ouais, Tu l'as lu, Spectra? Ouais. Bah moi j'étais bien à fond, hein, par contre. D'accord. Je suis bien content que ce soit Gordon, en fait, qui soit sous l'armure. D'accord. Parce qu'effectivement, ils auraient pu prendre Tim Drake ou ils auraient pu prendre. Le plus intéressant, je pense, ça aurait été Red Hood à la limite. Ouais. Mais ça n'allait pas vraiment se distinguer de la personnalité de Bruce Wayne, donc du coup, non, là ils ont vraiment pris un mec radicalement différent, et puis ouais, j'ai bien hâte de lire ça, quoi. En tout cas, ça bouge les choses pour Batman, et c'est vraiment bien. Ok, on va passer au Superman. Moi j'ai kiffé, donc nouveau statu quo, là c'est pareil, on va spoiler. Donc en fait, dans le dernier numéro, si je me rappelle bien, Lois elle a grillé en fait que Clark Kent c'est Superman. Donc du coup le monde entier est au courant, donc du coup là on le voit, il est en mode scred avec Jimmy Olsen et il boit un café, il veut pas être reconnu et puis fatalement il est reconnu et donc il y a un petit baston qui s'engage avec un mec là qui veut l'embrouiller et à la fin de l'épisode du coup il s'envole pour aller se cacher quoi. Moi le nouveau statu quo ouais, ça m'intéresse grandement, je lisais Superman, je pense que du coup je vais me remettre à Action Comics parce que ouais ça je trouve c'est une bonne idée quoi. Donc voilà, après ça dépend des gens, on a vu des images où on voit Clark en Harley Davidson, il y en a ils sont choqués parce que c'est pas ce qu'ils veulent voir dans un comics, mais bon, à un moment donné, si on fait toujours pareil, on va râler parce qu'on lit toujours pareil, donc à un moment donné je pense qu'il faut prendre des risques pour voir de nouvelles choses, quoi. Donc voilà, c'est mon avis. Votre avis sur ce... Moi, je suis assez d'accord avec toi. Déjà le Superman 40, j'ai vraiment, vraiment kiffé, là, numéro écrit par Romita. Ouais, c'était marrant, c'était léger et tout. Bon, après, il y a des trucs un peu bizarres comme la caractérisation de Batman. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé le côté léger, le fait qu'ils aillent boire un verre tous ensemble et tout, ça change. C'est des moments qu'on voit rarement et qui sont agréables à lire quand même. Bah, pour le coup, en mode décompression, tu vois, c'est avoir un numéro que décompression, mais bien écrit, c'était franchement cool. Ouais. Et moi, du coup, ouais, je me suis abonné à Action Comics, là, parce que le nouveau statu quo m'intéresse bien. Superman en mode Banshee, là, ça a l'air bien cool. Donc, ouais, bien à fond, là, pour ce. Je sais qu'il y a du monde qui est choqué. Hein, qui... Ah, mais après, c'est le syndrome supérieur Spider-Man, quoi. Tout le monde a gueulé au début parce que ça faisait un changement trop radical. Et puis, non, mais là, en plus, finalement, c'est positif. Hein. Là, en fin de compte, je veux dire, c'est juste un peu une sorte d'évolution. Mais c'est vrai que si tu fais pas si tu changes pas un peu des trucs, tu vas toujours lire même la même chose, quoi. Et même des bons scénaristes. On a tout fait sur le personnage. Tous les personnages, on a pratiquement tout fait sur tous. Donc après, je pense qu'il faut... Il faut passer à autre chose, quoi. Après, c'est vrai que là, j'ai l'impression que là, pour toutes les séries, ils vont être tous un peu traqués, quoi. Green Lantern, il est renégat. Aquaman, apparemment, ils veulent le buter. Tous les personnages, ils semblent être traqués. Donc ça, après, il faudra voir. C'est peut-être pas trop original de le faire pour tous, mais moi, sur Superman, en tout cas, ça m'intéresse. Toi, Vinch? Ouais, non, moi, je suis trop déçu parce que je veux trop voir Superman qui sauve Lois Lane d'une fenêtre. Donc franchement, non je rigole, non franchement j'ai bien aimé, en fait l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai lu ça sans lire Superman et Action Comics 39 et 40, donc j'ai pas tout pigé en fait, j'ai compris qu'il avait révélé son identité mais j'ai pas compris pourquoi à la fin du numéro elle chiale devant sa porte en disant je suis désolé et tout. Bah peut-être qu'elle se rend compte que c'est une poufiasse. Ouais, je sais pas, moi je pensais qu'elle avait fait ça sous l'emprise de Brainiac, mais en fait non, vu que ça s'est fait récemment. Bah le 40, si je dis pas de bêtises, à la fin il y a un regard qui en dit long, tu sais, style, parce qu'il s'est battu. C'est dans le 40 ou dans le 39, je sais plus, il se bat, Et revient avec des bleus, non? C'est quoi, Finn? Je me rappelle plus. C'est le 40, hein. Ouais, Ouais, c'est grave, s'il a plus de pouvoir, tout ça. voilà, il se C'est bat, il a quand des. Ouais. il va se battre le lendemain de sa gueule de bois, là. Ouais. Et il revient, il est blessé. Et là, on a un plan sur elle qui capte en gros que c'est lui, quoi. Ouais. Bah, c'est la suite. Bah, voilà, elle doit réaliser que c'est une connasse, quoi. Ça doit être un truc comme ça, je Ouais, pense. donc c'est juste là les trucs que j'avais pas repris, mais sinon, ouais, j'aime bien. Moi, je suis content aussi du changement de statu quo. C'est comme tu dis, à force de tout le temps lire les mêmes trucs, à la fin, si j'aime toujours bien lire les histoires de mes héros favoris, mais moi, du changement, ça me dérange pas. Moi, quand il y a eu Super Spider-Man, je trouvais ça cool parce que ça change maintenant. Batman qui disparaît, j'espère simplement que c'est pas des statu quo qui vont changer, qui sont là pour 4 numéros. Parce que j'aime bien quand il y a le changement, mais j'aime bien que ça s'assume aussi, moi, personnellement. Donc, j'espère qu'on va les avoir au moins pour un moment et qu'il y aura une vraie évolution, Oui, pas que du faut. jour au lendemain. Bah après, faut. Peu importe le temps que ça dure, ce qu'il y a, c'est que le temps que ce soit fait, faut que ce soit bien fait, en fait. Voilà, Ouais. tu vois. De toute façon, Moi, quoi, dis-toi bien qu'au pire des cas, au mois de mars, c'est réglé, hein, parce qu'au mois de mars, il y a le film qui sort. Donc, je pense pas Ouais, que, tu vois. maintenant, moi, ce que je veux, c'est si ça revienne, tu vois, il y a un vrai travail scénaristique derrière, pas C'est comme ça. Ouais, c'est ça. certains trucs où t'as. Parce que des fois, t'as des bonnes séries, genre sur Spider-Man, par exemple, le retour de Peter, ben, j'ai trouvé que c'était bien réalisé, ça a été un long cheminement, etc. Maintenant, il y a certaines séries où des fois, t'as un statu quo qui est réglé en 2 secondes, juste parce qu'ils avaient envie. Donc, j'ai pas envie que du jour au lendemain, t'aies genre Superman, par magie. Tout le monde il oublie, genre par exemple, citer Spider-Man, genre One More Day, je sais pas si tout le monde connaît, il y a eu une Oh. pirouette scénaristique de merde, genre Mephisto a dit, bon Ah. cool mec, je vais tout ce qui a été fait depuis les 5 dernières années, je vais tout effacer, comme ça tu repars à zéro. Ça, je trouve ça bidon, tu vois, c'est une pirouette scénaristique de merde. Non, mais là je pense que enfin, ça va durer au moins quelques mois, puisqu'on a eu les sollicitations pour le mois d'août. Et au mois d'août, en tout cas, Superman il est toujours dans son crossover Truth qui s'appelle. Donc, Ouais, maintenant que ça dure 4 mois, 2 ans, c'est que la résolution en fait, surtout c'est le ça, cheminement, la voilà. résolution. Par exemple, j'ai pas envie que dans 5 numéros, Bruce Wayne il débarque, YOLO, je suis vivant, tout va bien, je redeviens Batman. Que Clark il fait, je sais pas, par magie tout le monde m'oublie et je redeviens Superman normal, ça m'intéresse pas. Maintenant, je veux une évolution et que je veux que ce soit bien écrit quoi. Ouais, je suis comme Maintenant, toi. sinon, je suis content, moi ça me plaît ce genre de truc. Parce qu'au moins, ça donne envie de lire et de voir ce qui va se passer quand il se passe des trucs nouveaux quoi. On va se finir avec le Justice League, donc il nous présente en gros le bébé de Darkseid avec une Amazon. Hein. Ouais. C'est ça. Donc ouais, bon voilà, là c'est assez court aussi. Ben, voilà, on nous montre d'où vient le bébé. Enfin, le bébé né, il capte que c'est une sorte de monstre, machin. Et donc en fin de compte, là, l'Amazon, eh ben, elle s'enfuit avec le gosse, quoi. Et avec ça, non? Je Ouais, sais c'est plus. ça. Voilà, donc Bah, pff. il y a surtout le nouveau statut de Batman. Ah oui, Ouais, là, il nous qui fait son teasing être. à l'ancienne, Jones, là. Ah oui, il y a l'espèce de femme qui voit dans le futur, et donc elle annonce un tas de trucs. Green Lantern, il va faire un sacrifice, c'est ça, je crois. Eh mais Ouais, Batman. c'est la femme qui annonce ou c'est plutôt spoil, mais c'est Batman qui devient Bah, un c'est. new god et qui dit ce qu'il voit plutôt. C'est Ouais, la non, femme. C'est la femme, elle a des visions, non? Et elle dit, je vois, si le bébé ne meurt pas et qu'il vit, je vois Batman New God, je vois ouais, Aquaman traqué, je crois. Hein. C'est ça, mais non? ça on le savait déjà vu que si vous avez vu le seul site, enfin la cover de Justice 41, je crois, on voit déjà Batman en New God, donc Ouais, il est c'est ça que assis j'avais sur le reproché trône. justement. C'était le fait qu'il est mort partout, mais là il devient New God. Mais bon, ça rejoint le truc scénaristique libre, quoi, je veux dire, qu'ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça un peu con, quoi. Ouais, mais c'est D'un encore côté, c'est un dieu et de l'autre, il est mort. Ouais, mais quoi que ça, comme il disait Jeff Jones, il peut jouer avec la continuité, il peut te dire Ouais, ça un ouais. peu après ou un peu avant, tu vois. De C'est toute façon, pas. c'est pas important. C'est juste que je trouvais ça dommage, en fait, outre la continuité, que encore une fois, ce soit Batman qui soit au centre du tout. Que même quand le chef de. Enfin, le chef. Le responsable scénaristique de Batman le tue, on arrive encore à le foutre en premier plan. Tu aurais pu Ouais, mais non, à n'importe part. quel héros, Ouais, il a fallu que ce soit Batman. mais apparemment, ce sera pas lui en premier plan. Hein. Apparemment, là, le personnage principal de tout l'arc, c'est Wonder Woman. Ouais, je sais pas, quand tu lis la seule site, c'est Batman réussira-t-il à sauver la situation donc. Ouais. Enfin, moi, j'avais vu une interview, il disait comme quoi c'était vraiment elle qui allait être au premier plan, quoi. Bah ouais, tant mieux. C'est parce que moi, Après. je lis pas les interviews, je lis les seuls sites, ça s'arrête là, c'est pour ça. Ouais, moi, j'en lis quelques-unes, mais vu que les trois quarts, comme on disait au début de l'émission, ça apporte rien. Il y a des fois, tu trouves un truc intéressant. Tu disais quoi, Spectra? Je t'ai coupé. Après Batman, on n'a pas confirmation qu'il soit mort. Hein. Oui, non, mais il est sûrement pas Ouais. mort, hein. Il doit être Il sûrement. n'y a pas de corps de retrouver. C'est comme pendant le run de Morrison où finalement il s'était barré en mission déjà contre Darkseid. Hein. Ouais, non, mais je vais dire, oui, il n'y a aucune confirmation, mais quand on voit le scénariste, niveau de la population, dans Divergent, justement, on l'annonce, le premier truc, c'est Batman est mort. Maintenant, on se doute bien qu'il va pas mourir à jamais, même si ça ne me dérangerait pas qu'il soit mort, mais ouais, c'est sûr qu'il va trouver un truc, genre, à mon avis, Oui, d'ici mais quelques enfin, mois. toute façon, il est même pas mort, il n'y aura même pas de résurrection. Là, ils vont te dire dans quelques temps qu'il était en fait ailleurs ou je sais pas quoi, tu vois. La vie, ouais, genre, je sais, non, sûrement, le truc, ça va être, je sais pas, il est, ouais, soit il était encore une connerie, non, dans le temps, ils l'ont déjà fait, donc ce serait une connerie du genre, il était dans des grottes, il est resté vif dedans, et ça, il a retrouvé du puits de Lazare et tout, voilà, ça serait une couille dans le genre, à mon avis. Une pirouette scénaristique, je suppose. Maintenant, j'espère qu'ils vont sortir un truc solide, mais C'est ça. Un truc solide, on c'est le verra plus bien. important, ouais. C'est ça. On verra bien d'ici à ce qu'ils reviennent. Bon, moi, ce FCBD, je l'ai trouvé bien cool, hein. L'année dernière, on avait eu le Futures End Zero qui était cool. Mais là, j'aime bien aussi, ça tease pas mal, c'est super intéressant. Et puis, ça Ouais. permettait de prendre son mal en patience pendant ces 2 mois de purge, en fait. Ouais, franchement, lui, Ouais, il est. puis franchement, il était mieux que celui de Marvel. Hein. Voilà, pas lu. Moi, j'ai eu le FCBD français, je crois. Mais je l'ai pas lu. Ouais, non. Le FCBD Marvel, il était moins intéressant. Ouais, t'avais pareil, un aperçu des futures séries, la post-Secret Wars. Et il y avait les nouveaux les différents Avengers, il y avait les Inhumains, et puis il y avait l'attaque des Avengers, attaque des Titans. Ouais. C'était pas terrible, terrible. J'adore les noms chez Marvel. Ouais. On va passer à Injustice, Year 4, numéro 3 et 4, Vinch. Ouais, donc là on a deux numéros vu que ça sort, c'est presque du mensuel, du mensuel de l'hebdo aussi. Donc on continue avec l'histoire, elle est toujours très décompressée l'histoire, c'est pour tenir un rythme parce que c'est très court les parutions. Donc on a donc Renée Montoya qui est alcoolique, elle en peut plus machin. Elle fait Renée Montoya qui fait partie de la résistance et là donc on voit l'histoire, elle en peut plus, elle pète les plombs, elle téléphone à sa meuf et là on la voit, elle vole toutes les pilules. Donc je sais pas si vous vous souvenez. Les petites pilules qui peuvent donner de la super force qui étaient volées dans Earth année 1. Et donc là-dessus, elle se ramène, elle tombe sur Damian Wayne et Dans quoi sur t'as dit? Shazam. Dans quoi t'as dit? Les pilules dans. Dans l'année 1. Ah, il y a des pilules. C'est dans le tome 2 alors, non? Ou dans le tome Ouais, 1, tome dans le 2, tome ouais. 1 et 2, ouais. En fait, au Ouais. début, il les crée, puis il la vole chez Superman, et puis, parce que c'est Superman qui l'a créé à la base. Ah, moi, dans le tome 1, ils n'en parlaient pas encore de cette pilule. Dans l'année 1, tome 1, je crois qu'ils parlaient pas de Peut-être la pilule. le tome Tome 2, je 2, sais. ouais, ça doit être ça. Ouais. Sûrement le tome 2, parce que en fait, le tome 2 c'est au centre, vu qu'il la vole tout ça. D'accord. C'est le sacrifice, fait à soi. Donc elle en prend une méga dose en chialant et elle décide d'aller attaquer Robin. Là-dessus, Superman il débarque et tout. Elle dit ouais, je vais tuer Superman. Donc ça commence la baston. Puis le numéro, ça c'est pour le numéro 3. Et donc le numéro 4, ben, ça continue la baston. Et en parallèle, on voit les dieux, donc les dieux grecs. Qui surveillent d'en haut et qui disent qu'ils en ont marre que Superman se prenne pour un dieu alors que c'est eux les dieux, etc. Et qu'ils ont décidé de se venger. Et puis là, on continue la baston. Toujours bien dessiné, etc. Pour finir, ben Montoya décède d'un arrêt cardiaque car elle a pris beaucoup trop de. Elle s'est trop droguée, quoi. Là-dessus, il y a Bruce Wayne qui arrive, mais en mode. Ben comment dire, en mode débravé, etc. En costume, il reprend son ami Superman, le laisse partir. Wonder Woman, elle fait genre, ouais, pourquoi tu le laisses partir? Ça fait des mois que tu le cherches. Et là, Clark qui fait ouais, c'est pas Batman, c'est Bruce Wayne, c'est mon ancien ami, machin, on le laisse partir. Puis la fin, ça se finit avec Batman qui remet son costume et qui dit ce sera jamais fini et ce sera jamais fini. Puis t'as le dernier plan, c'est Lex Luthor qui clone, on suppose Superboy, et qui dit que le monde a besoin de lui. Donc voilà D'accord. pour cette année 4. Maintenant, donc le truc principal, comme ça se dessine, ce sera donc, la reprise de la résistance, qui à mon avis, ça va être un peu longué, vu que ça va encore durer 2 ans. Mais c'est surtout les dieux, à mon avis, qui vont se ramener. Maintenant, on se connaît déjà la fin, mais apparemment, les dieux de l'Olympe vont venir essayer de dicter leur loi à Superman. Et alors cette année, elle est par rapport aux autres années, elle démarre bien ou c'est un peu moins bon? C'est bien. Niveau graphiquement, je préfère cette année-ci, parce que pour le moment, ça reste stable niveau graphique. Maintenant, l'histoire, c'est fort répétitif dans le genre où c'est tout le temps la même chose. C'est un camp qui veut essayer d'attraper l'autre. Maintenant, je pense que l'histoire des new gods, des dieux va être plus intéressante parce que l'année passée c'était Constantine et moi je suis pas trop fan de Constantine. En tout cas, dans sa version de l'année passée, je trouvais pas ça super intéressant. Ouais, tout ce qui est mystique, c'est pas trop ton délire, quoi. Moi, c'est pareil. Ouais, non, c'est pas trop mon délire. Moi, Hein. quand c'est bien écrit, à la limite ça passe, mais c'est vraiment pas le truc genre Justice League Dark, je lis parce que c'est dans les kiosques, mais genre tout seul, j'aurais jamais lu quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Enfin, Donc, moi aussi, sinon, ouais, personnellement. voilà, ouais, je préfère là, c'est pas mal. Maintenant, c'est l'année. L'année 4, ah, plus qu'un an en fait. Donc, ouais, c'est maintenant, j'espère qu'on va vraiment voir un changement radical chez Superman. Parce que ce qu'il y a, c'est que Superman, il devient méchant, puis il se radoucit un peu, mais dans un an, comics quoi. Et ben, le mec, il va essayer de censé devenir un gros psychopathe, donc j'espère qu'on va vraiment voir une évolution sur sa psyché rapidement. Mais c'est pas dit que ça s'arrête à la 5, hein. Après, ils peuvent très bien faire la 6, la 7 et préparer le Injustice, Oui. le jeu numéro 2. Ouais, non, mais je veux dire avant d'arriver à Injustice en fait. Quand je dis les années, c'est Ouais, bien à. sûr. Parce que Injustice, à partir d'Injustice, on sait plus ce qui arrive. Enfin, si on sait Rapidos, grâce à Convergence, il y a une demi-page sur eux. Mais après, ouais, très bien. Ils peuvent, si ça continue à bien se vendre, ils peuvent très bien faire l'année 6, qu'est-ce qui se passe après, quoi. C'est clair. Surtout que dans Convergence, si ça se suit, bah, Superman s'évade. Donc. Voilà. Ok, donc c'est sympathique. On va finir par les sneak peek là, donc les numéros gratuits dont on vous a parlé tout à l'heure. Spectra, t'en as lu un peu ou pas du tout? J'ai lu Deathstroke, c'est tout. Alors, ton avis brièvement, parce qu'il n'y a que 8 pages, hein, on va pas rester 1 heure sur des trucs qui font 8 Ça ne pages. m'a pas ému plus que ça, du coup je savais pas ce qui s'était passé avant, donc non, j'ai aucun avis, c'était bien dessiné. Voilà. Ça te donne envie de t'y mettre ou pas du tout? Alors ce qui me donne envie de me mettre à Deathstroke surtout, c'est qu'ils vont sortir une édition spéciale avec le masque. Et Ouais, vu j'ai que j'ai vu. Ouais. déjà les deux éditions de Batman avec le masque des Hiboux et le masque du Joker, je pense que je vais continuer la Putain, je collection. savais pas, je vais l'acheter. Ah, j'ai vu le masque, il est classe en plus. Ouais. Ouais, bah déjà le masque du Joker, ils avaient fait un truc vraiment classe, donc là. D'accord. Ok. Toi, Vince, un des numéros en particulier qui t'ont marqué? Ouais, Green Lantern Lost Army et Batmite. Sinon, j'ai moins aimé Cyborg. Robin Sons of Batman, j'étais un peu déçu. Et Mindhunter, c'est une série que je vais suivre après, mais j'ai pas été emballé plus que ça. Mais Green Et Lantern alors, est. le Starmie, du coup, c'est comment? Le quoi? Lost Army, Le Green Lantern. Starmie? Ah, Lost Army, ouais, j'avais pas compris. Ouais, Lost Army, bah, en fait, c'est moi, ça m'a bien intrigué. Donc, comme ils ont dit, bah, les lanternes, ils se réveillent sur une planète, ils savent pas trop où ils sont. Il y a des créatures qui les attaquent, ils savent pas très bien pourquoi et tout. Et ils sont sans communication. Donc là, maintenant, j'espère vraiment que ça va s'assumer jusqu'au bout. Mais t'as vraiment les lanternes en mode, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ils sont vraiment seuls au monde. C'est John Stewart qui va. Moi, je pense que ça va faire du bien d'avoir une série comme ça où ils sont au bout du monde, ils savent pas très bien où ils en sont et de les voir se retrouver sur eux-mêmes et surtout savoir ce qui est arrivé au corps. Et la série Green Lantern, j'ai bien kiffé aussi. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais Oui, franchement, j'ai bien aimé le mode badass d'Al Jordan. Ouais, franchement, il a putain de style et les dessins sont très beaux. J'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est très court, mais ça donne vraiment bien envie. il avait commencé par le dernier numéro, Spectra. T'avais lu le 40, hein, c'est ça, Spectra? Ouais, j'ai lu 40, ouais, Ouais. bah c'est parce que j'avais vu le synopsis de Lost Army que du coup je m'étais mis à Green Lantern, donc. Ouais, mais Green Lantern reprend. Lost Army reprend, je veux dire, la suite de. Enfin, la suite entre guillemets de Green Lantern Corp et Green Lantern, bah, ça c'est Green Lantern, ça continue. C'est juste le statu quo qui change qui a l'air pas mal. Et sinon, ouais, Batmite, au début, j'avais pas du tout, je trouvais ça trop bidon le truc, mais en fait, j'ai bien aimé, le personnage est bien fun. Et là, c'est, bah ouais, en fait, t'as Batman qui tabasse des méchants, les graphiques sont assez funny, puis t'as Batmite qui débarque et qui l'aide, mais le gars, c'est Batmite quoi, il est carrément à la masse et les situations deviennent un peu carrément incontrôlables. Et donc, après, à la fin, bah, il se dit, ouais, c'était cool d'aider Batman, je vais aller aider tout le monde maintenant. Et tu vois qu'il va l'aider un peu tous les héros de DC, des différents univers et tout, donc ça a l'air assez cool. C'est une mini, ça, je crois, non? Ouais, c'est une mini, Ouais. normal. D'accord. Je sais plus combien de séries, numéro. Sinon, le truc que j'étais un peu déçu, c'est Cyborg, parce qu'au début, bah, ils sont sur une planète avec plusieurs. Ils se battent contre des monstres, tu sais même pas d'où ça vient, tu sais même pas pourquoi ils sont là, c'est vraiment. Ça Ouais, tombe mais un peu de nulle part. c'est vraiment des trucs en huit pages, hein, Ouais, mais c'était vraiment pour introduire le nouveau truc, mais là, j'ai trouvé Ouais. ça un peu trop décousu. Je veux dire, les autres, il y avait encore une cohérence, mais là. Bah, tu le vois qu'il se bat, pour finir il se fait tuer, et alors en un coup il renaît, et il se fait une nouvelle armure qui ressemble à celle qu'il avait à l'époque chez les Teen Titans, mais en plus actuelle quoi, mais D'accord. voilà. Assez moche, hein, quand même. Ouais, enfin je suis pas fan, je préférais la version qu'il a eu après Forever Evil, moi perso. Mais ça, je vais tester, moi, parce que c'est quand même Ivan Reis au dessin, je crois. Donc ça Ouais, vaut c'est le très coup. beau, hein. Les dessins sont Ouais. très beaux, mais sinon l'histoire, ça. Je suis un peu refroidi, l'histoire a pas l'air. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir en faire en fait. Moi, j'ai lu Le Flash. Bon, franchement, rien de palpitant. C'est un résumé un peu de tout ce qu'il y a eu du personnage. Voilà, donc rien d'extraordinaire, juste la dernière page, ça nous tease, donc là spoiler, ben, ce qui était teasé dans le 40, c'est-à-dire le retour de Reverse Flash, de Town, comme par hasard au moment de la série. Les mauvaises langues vont dire ça, mais bon. Donc voilà, bah, ça augure du bon, hein, vu qu'avec ce personnage-là, j'ai lu ça. Et j'ai lu Robin, Son of Batman, mais là c'est pareil, ça m'a pas troué le cul. Il y avait de la baston avec des espèces de chauves-souris chelous. Et à la fin, il est sauvé par une grosse chauve-souris encore plus énorme. Donc ça m'a pas du tout fait kiffer, mais la série, je vais tester quand Ouais, bah, les essais étaient beaux, j'ai trouvé pour Robin Son of même. Batman, mais j'étais un peu déçu de l'histoire. J'aurais préféré quelque chose d'autre maintenant. Je vais tester aussi et tout, mais je sais pas, ça. J'attends de voir quoi. En tout cas, ouais, le mec qui est chaud là, il peut tous lire, il y a du contenu. Hein. 8 ou 9 pages sur 40 ou 50 titres, ça fait de la lecture. Hein. Ouais. Voilà, bon ben on en a fini hein, les amis. Ouais, l'écho. Oh non, c'est déjà fini. Voilà. Combien de temps là? Je sais pas combien de temps on est là, ça a coupé tout à l'heure. Sinon, hormis ça, vous avez fait autre chose de. Je Eh pense. ben, moi j'ai lu Secret Wars. Alors, c'est. Ouais, j'ai commencé aussi. Ouais, c'est franchement c'est énorme. Enfin, D'accord. je sais pas ce que t'en as pensé, Vinch, mais pour l'instant la série principale, il y a que deux numéros, mais je trouve vraiment monumentaux. Et puis même les tie-in, quoi. Pour l'instant, j'en ai encore pas lu un seul qui était pourri, quoi. Bah, je C'est sais pas. un bon vivier créatif et tout, donc ouais, hâte de voir la suite. Moi, en fait, j'ai lu seulement Secret Wars 0 et Secret Wars 1, mais je trouve ça nul. Enfin, j'ai l'impression de lire Convergence, j'ai pas trop compris. Les mecs, ils s'apprêtent à. Il y a une autre Terre qui arrive, ça comme d'hab, sauf que c'est la Terre Ultimate, quoi. Enfin, 1610. Et ils veulent se battre et tout, mais. 1616. Ouais, 1600. Non, 1616, c'est la Terre originale. Non, c'est C'est 616 la 16. thèse originale. Non, 616. 616. Attends, je Attends, suis un attends. collab sur Marvel, tu m'as pris pour qui? Non, L'univers c'est 616, c'est 1610, l'original. hein. Quoi? 616, c'est original, et 1610, c'est Bah, Ultimate. c'est ce que j'ai dit, je sais pas pourquoi il me. C'est pas 1616 Ultimate? Non, non, Non, c'est 616, c'est 1610. l'original. Il peut pas faire comme tout le monde. Non, vas-y, alors j'ai rien dit, excuse-moi. Et donc, t'es un collab. Et donc, ouais, donc, petite personne et tout, mais. Je sais pas, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas été emballé directement, j'en entendais plus. J'ai l'impression de voir. J'ai l'impression qu'ils sont un peu copiés sur DC. Maintenant, j'ai lu que le 0 et le 1. Hein. Ouais, doucement, malheureux. Non, mais t'as pas lu Avengers et New Avengers avant aussi? Non, pas encore, parce que Ah non, je. sinon Et la tu te VF, enfin, rendrais j'ai. compte que c'est DC qui a pompé, honteusement. Mais... Hein? Non, j'ai seulement lu le début, parce que tout le monde en parlait, alors je me suis dit, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais là, j'ai pas été emballé, je vais arrêter de lire, je lirai en VF pour avoir tout le contenu, mais les deux trucs que j'ai vus, ça me faisait penser un peu à Convergence, que je voyais deux terres qui se bastonnaient, mais et puis à la fin, bah, ils se retrouvent sur. À la fin du numéro 1, ils se retrouvent sur le truc, là, Battle World, et puis voilà. Mais j'ai pas lu, j'ai vu qu'il y avait Battleworld qui était sorti et tout, mais je vais m'arrêter là parce que ça m'a pas hypé à fond et je préfère peut-être lire tout le contenu avant. Je pense que ce sera mieux, peut-être que j'apprécierai plus l'event. À mon avis, Toi, t'allais faut se dire le que ça a lire l'air. d'un coup, puis faire un petit peu Avengers et New Avengers avant, parce que du coup, moi, je me suis tapé les deux autres séries là pendant 2 ans, donc du coup, t'y es préparé depuis le début, quoi, à Ouais. Secret Wars, New donc du coup, Avengers, c'est l'aboutissement de tout ça. t'es New récompensé Avengers, en fait j'ai de lu. ton attente de 2 ans. De quoi? T'es récompensé de ton attente de 2 ans, quoi. C'est un peu comme. Ah ouais, grave. Peut-être, Ouais. j'ai pas lu, hein, mais peut-être c'est comme Blackest Night, quoi. Tu vois la progression et à la fin, t'as le truc ultime. Peut-être ça te fait cette Ouais, impression-là, quoi. j'imagine que ça doit être un peu comme ça. Je sais pas, New Avengers, je le lis en VF, mais j'en peux plus. Moi, je trouve ça trop bidon. J'en peux plus de tous ces épisodes où ils passent, ces 10 épisodes où ils détruisent d'autres terres, où ils discutent de s'ils vont détruire d'autres terres. Je trouve ça hyper long. Et c'est pas encore fini, vu que ça va continuer jusqu'à Convergence. Moi, je kiffe pas trop le New Avengers. Je vois que beaucoup de monde aime, mais. C'est pas ma série favorite en fait. Dont je parle actuelle. J'en suis à moi où ils viennent d'affronter la Justice League version Marvel. Ouais, Je sais pas si sinon, t'as. j'avais bien aimé ça. Et Non, moi sinon, pas trop. à part les comics, vous avez fait autre chose dans votre vie ou quoi? Ah bah, je passe ma vie derrière la console. Là, j'ai repris Mass Effect. Je sais pas pourquoi, ça m'a pété comme ça. Je me suis pris Mass Effect et tous les DLC. Donc voilà, j'ai plus de vie et je kiffe. Toi, t'es sur Xbox, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais, ouais. c'est vrai, ouais. Putain. Et Vinci est sur Play 4. T'as acheté des jeux Vinci ou quoi sur Play 4? Non, pas tout. J'ai plus acheté de jeu pour le moment, vu qu'il y a rien qui est sorti. Pour le moment, je me suis remis Allez. à Arkham Il y Origins a sur The PlayStation Witcher. 3. Ouais, The The Witcher Witcher, 3. mais ça va, je l'ai pris sur PC. Et je vais pas l'acheter non plus, faut pas déconner. Ah, tu l'as pris sur PC. Putain, t'as un Ouais. PC, hein, ouais. T'as dû avoir un bon PC alors. Ouais, j'ai un très bon PC. Putain, ça va. Moi, je le fais toujours tourner en ultra, c'est vrai que c'est super beau et tout. Maintenant, j'aime bien jouer de temps en temps, mais sinon, j'ai à peu près Batman Ar Arkham Origins. Là, j'attends d'avoir Batman Arkham Knight qui va sortir dans un mois. Ouais, celui-là, il va être bien. Ouais, ça, je vais me le prendre dès que je vais un peu faire le no live dessus, je crois. Moi, écoute, sur Play 3, j'ai eu GTA V, que j'ai torché en, allez, 10 jours. Ouais, il est vraiment excellent. Bah, vous avez tout joué, de toute façon, je pense. J'arrive Ouais, après la guerre. je l'ai sur Ah ouais, mais moi, j'ai Play été 4. déçu. Ben, en fait, moi, le jeu, ce qui m'a un peu fait chier, mais bon, c'est propre au jeu, en fait, hein, c'est que quand tu vas d'un point A à un point B, tu peux pas apparaître directement à côté. Faut te taper tout le pays en long, en large et en travers. Mais sinon, les dialogues, excellent. Le personnage, là, Trevor, c'est mon idole, quoi. Il est Ouais, sensationnel. il met des barres, lui. Ah ouais, lui, franchement, les répliques et tout. De toute façon, GTA, moi, j'ai toujours dit, le meilleur truc du jeu, c'est les répliques, hein. Le scénario en lui-même, il n'est pas excellent, mais voilà, les dialogues entre les personnages, les situations à chaque fois. Ça part trop loin, c'est complètement énorme. C'est quoi que t'as pas aimé, Vinch? Spectra? Moi j'avais pas mal, j'avais vraiment geeké comme un porc sur San Andreas. Et celui-là, du coup, alors moi je l'ai pas fait en ligne, hein, GTA 5, mais du coup je l'ai trouvé vachement vite quoi par rapport à San Andreas. Je l'ai torché rapidement, je crois en 12 heures, j'avais quasiment fait le tour. Mmh. Non, Donc, moi c'est pareil, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes et tout ça là. Mais moi je jouais y en qu'avec a. pratiquement qu'avec le Black en fait. Bah oui, parce que c'est celui qui conduit le mieux déjà, donc c'est Ouais. plus agréable. Mais ouais, franchement, j'ai fait quasiment toutes les quêtes annexes et compagnie là. J'y replonge un petit peu, j'y replonge un peu de temps en temps pour aller shooter deux trois personnes, mais ouais, je le trouve un peu vide quoi. Les radios là, putain, moi je suis tout le temps sur Los Angeles classique là ou West Coast classique. Ah, putain, c'est tu te balades en voiture là, tu es sur du Ice Cube ou sur du NWA, c'est complètement énorme quoi. Moi j'ai surkiffé. Après, par contre, en multi, il y a un tas de trucs à assimiler quand même. Hein. J'ai fait 2-3 parties, mais j'ai pas. Faudrait que je m'y replonge parce qu'il y a Mais je préférais vraiment l'ambiance à la Menace to Society là, un. de San Andreas, Tu l'as quoi. un peu quand même avec le Black en fait. Avec lui, tu l'as un peu quand même. Ouais, mais par contre, il a une personnalité qui est bien, bien moins intéressante que celle CJ. de Trevor, Michael ou Ouais, même, ouais, c'est même sûr. CJ, quoi. C'est sûr. J'ai fait ça et j'ai eu Far Cry 4 aussi. Voilà, bon, j'étais. Far Cry, moi j'avais kiffé le 3, hein. C'était sur les plages, sur les îles thaïlandaises. Là, le 4, c'est au Tibet Népal, ou au Tibet, ouais, Népal. Non, c'est peut-être. au Népal, ouais. C'est au Népal. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça fait un peu moins rêver. Mais bon, ouais, c'est toujours cool hein, de se balader dans la forêt, tu butes des animaux. Voilà. Après, le jeu, il est un peu répétitif. Hein. Les quêtes, c'est toujours pareil. La quête principale, t'as des espèces de forts à récupérer les drapeaux, t'as des antennes à débrancher. Donc ça, c'était un peu répétitif. Mais voilà, si tu t'en bats les couilles de la quête, tu te mets dans la forêt, franchement, tu t'amuses bien, c'est sympa aussi. J'ai eu celui-là. Et j'ai eu quoi encore? J'ai eu Dead Island Riptide 2, je vous en avais parlé l'autre fois. Mais vous connaissez? C'est comme Far Cry, Ouais. mais avec des zombies. Ouais, je connais Ouais. Dead Island. Ouais, c'est Dead Island Riptide, ouais, c'est ça. Moi j'ai joué 5 Ouais, ça va minutes, sortir. j'ai vraiment pas kiffé quoi. J'ai trouvé ça pourri. Et voilà. Et sinon, pour finir, j'ai testé une nouvelle série Netflix. J'irai pas plus loin, je pense. Ça s'appelle Between. Je sais pas si vous avez vu. Non. Ah non, c'est quoi? C'est apparemment, c'est bizarre cette fois-ci. Ils n'ont pas envoyé la saison d'un coup. C'est un épisode par semaine. En fait, c'est dans une ville aux États-Unis. Il y a une maladie. Enfin, ils savent pas ce que c'est. Tous les gens de plus de 20 ans, 21 ans, ils meurent. Donc, ils sont tous entre jeunes. Et donc voilà, ils sont abandonnés par l'État et donc il faut qu'ils trouvent une solution. Donc ça m'a fait penser à Under the Dome et j'ai pas trouvé ça sensationnel en fait. Ça m'a pas. Between sur Netflix, voilà. Je trouvais ça pas terrible. Sinon, ouais, voilà, je crois que c'est tout. Hein. Je suis comme toi, je suis à la bourre sur Game of Thrones là. Il m'en manque 4. Mais bon, moi ça permettra d'en voir 4 d'un coup et de pas être frustré quoi. Ouais. Ouais, bon ben voilà, on en a fini, je crois. Hein. Ah si, j'ai vu Avengers 2 enfin. Ah bah alors. Eh ben je l'ai trouvé plutôt sympa, hein. D'accord. C'était comment? Je l'ai trouvé mieux que le 1 déjà. Ouais. Il y avait un peu moins de blagounettes qu'avant, donc c'est un bon divertissement. Franchement, c'est du bon blockbuster. Et moi je Mais faut pas voulais. en attendre plus quoi. D'accord. Mais je voulais aller le voir là, entre-temps il y a Mad Max qui est sorti, donc du coup je me tâte entre l'un et l'autre, quoi. Je vous dirai ça à l'occasion. Bon ben voilà, c'est fini les gars, donc on se donne rendez-vous le mois prochain au même moment à peu près. Donc on vous dit ben bonne journée et à la prochaine. Salut à tous. Ciao tout le monde! Sip some drink and get some draw. It's okay if you don't.